Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui est Assemblage requis. Dans d'une foulée à l'autre, Maxime Bilodeau nous parlera de l'importance de l'échec à la réussite. On recevra nos fidèles chroniqueuses du jeudi, Adjuy Durocher et Jasmine Raymond-Dréville. Et on discutera de politique avec François Landry et Lococratie 101. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Bon matin, Jean-Philippe Charbonneau. Bon matin, Mathieu Plante. On est en direct des studios de Tifo à Trois-Rivières en ce jeudi 18 avril. Hey, mais ça. Oh oui! Et 18 avril, cette date me dit quelque chose. Ça te susurre un petit quelque chose? Oui. Comme jujube, susurette. Susurette. Oh! On va se mettre quelque chose dans les oreilles au lieu de la bouche ce soir. Oui, monsieur. Donc, vous en avez sûrement entendu parler, fidèle auditeur de C'est fou, puisque ça fait depuis peut-être une semaine, la publicité passe pour dire qu'il y a une soirée cachée ce soir, le 18. Donc, on a dévoilé hier que c'était à la Chasse-Galerie. OK. On va... Ouais, qu'est-ce que c'est là? Je voulais faire un avec mes doigts, mais je me suis complètement... Arraché le doigt. Arraché le pouce. Béqué bobo. OK. Donc, Chasse-Galerie. Voilà. Chasse-Galerie. On a une première partie assurée par Jean-François Veilleux et Daniel H. Dubois. Oui. Je sais pas si tu te souviens, on les a eu en entrevue ici, puisqu'ils ont participé à UQTR en spectacle. Le violon. Oui, ils ont gagné. Ils sont allés à l'UQAM. Ils ont reçu une mention d'excellence, si on veut, une mention spéciale. Cool. Pour leur performance qui a fait lever la foule comme à chaque fois. Donc, on va les avoir ce soir en première partie. Mais malheureusement, Cheesecake Ninja ne pourra pas être là. Ah, c'était supposé être la première partie. Oui, c'est ça. On était supposé avoir un trio de duos. Mais vous allez comprendre pourquoi plus tard. Parce qu'il y a des duos à quelque part là-dedans. Ben oui, c'est ça. Jay Veilleux, Daniel H. Dubois, ça c'est un premier duo. Cheesecake Ninja, c'est un duo. Ouais. Mais là, c'est fini ça. Fini ça. Non, on pourra pas les avoir malheureusement. Mais on va avoir un autre duo. OK. Donc, vers les 8 heures. Vers les 8 heures, on va révéler le groupe, le duo, parce que là, on comprend. C'est ben là, j'ai le droit de donner des petits indices comme ça le matin. On se faufile ça un petit peu à travers la première heure des indices. Ouais. On aime ça. Puis, évidemment, c'est un spectacle qui est tout à fait gratuit. On va avoir un spécial sur le pichet de bière. Là, je sais qu'il est tôt pour parler de bière. C'est pas grave. Hey, j'ai vu du monde boire hier à 9h15. Et 7h05, c'est pareil, ça. Ouais, écoute, aujourd'hui, c'est jeudi. C'est jour de paye. Il fait un peu moins beau qu'hier, mais on va mettre de l'ambiance à la chasse. Oh yeah! Donc, les soirées cachées, on en parle un petit peu plus tard. À 7h30, Maxime Bilodeau sera avec nous pour sa chronique d'une foulée à l'autre. Tu veux savoir de quoi il nous parle? Ben oui. C'est l'importance de l'adversité, des reculs et de l'échec dans l'acquisition et le développement du talent. Les traumatismes sont-ils nécessaires à ceux et celles qui aspirent à la réussite? Est-il réaliste de penser accéder à la plus haute marche du podium en ne s'exposant jamais au risque de se tromper, voire même de sérieusement se casser la gueule? Donc, à 7h30, la réponse à toutes ces questions et les réflexions qui les accompagnent avec Maxime Bilodeau et d'une foulée à l'autre. Oui! Ensuite de ça, à 8h, Anne-Julie Durocher et son index... Bien sûr. Donc, l'index, c'est sa chronique de coups de cœur ou de choses qui passent par la tête et qu'elle veut partager avec nous. Donc, à 8h. 8h15, chronique AGE-QTR avec Jasmine Raymond-Dréville. Les plus récentes actualités et activités de l'AGE-QTR. La fin de session approche. Hein, donc, il se passe des affaires sûrement pour la fin de la session. Ensuite de ça, à 8h30, François Landry et Logocratie 101. Et aujourd'hui, c'est la Trudeau Mania Part 2. Quelque chose du genre. Trudeau Mania. Je suis en train de t'ouvrir Twitter quand je vais ouvrir Facebook. Franchement. Oui, moi, Ferris, il passe pas mal aux nouvelles à ce temps-là. Qui ça, Facebook, Twitter, François Landry? Trudeau. Okay. Et ça me fait rire comment qu'il, on dirait qu'il rit tout le temps. Il parle, puis il est toujours comme... on dirait qu'il est tout le temps comme... Oh. Mesquin ou... Ouais, un petit coquin. C'est rire coquin. Ouais. Oh, c'est ça, Trudeau Mania. La suite. Voilà, c'est le titre de la chronique de François Landry. On va avoir une belle petite émission. On va débuter en première heure avec quelques chroniques de moi-même. On va faire arrête avec tes questions tantôt. Jean-Philippe, tu vas me poser des questions, entre autres, sur de la bière. Toi qui es un fanatique aux soirées cachées de buvage de bière. Fanatique. Ouais. À chaque fois que j'arrive, je fais exploser une bière. Je fais exploser. Je fais un truc dedans. Ouais. Puis là, t'as à boire. Oh. Glou, glou, glou. Ouais, ouais. Ouais. Donc, la Pabst Blue Ribbon, d'où vient ce fameux ruban bleu de la Pabst Blue Ribbon. Uh-huh. Mm-hmm. Et on va faire en tout début une chronique extrêmement rapide de son foutu palmarès. Donc, on commence ça juste après cette chanson de Guru Inland. Tout de suite, voici The Things I've Done à Assemblage Requis jusqu'à 9h. Uh-huh. Bonjour, bon matin. La Marichée. Lève-toi et marche. Tous les autres clichés des émissions de radio, là. Ouais, c'est ça. Ailleurs. Oh, well. On n'est pas comme ça. Avec The Things I've Done. On s'amuse en studio, on parle des soirées cachées parce que nous, on sait c'est qui. Faut pas le dire. Non. Il est pas 8h, Mathieu. Il est pas encore 8h, on se retient. Contiens-toi. Contiens-toi. Sais-tu ce que j'arrive pas à contenir dans la vie? Les questions? Ouais, non. Pas cela en premier. C'est des listes. Ah oui, c'est vrai. c'est je pensais qu'on était pas... Soit les questions, soit les listes, on sait jamais ça. Non. C'est les informations, c'est l'éducation, c'est l'apprentissage de la vie, Jean-Philippe, que j'arrive pas à retenir, moi. Mm-hmm. Je suis le même, moi. Serais-tu en train de nous faire ton foutu palmarin? Non! Jusqu'à ce que je son foutu palmarès, c'est la chronique qui vous présente une liste parce que les listes, c'est populaire, c'est mainstream, c'est à la mode. Je sais pas quoi comment dire d'autre que ça, mais j'aime ça, les listes. Jean-Philippe, sais-tu ce qu'est la tautologie? C'est quand faut que tu calcules tout, puis il faut tout le temps que ça arrive. Il faut que ça fasse les bons totos en bas de la colonne. Ouais. Non, c'est pas ça. Merde. La tautologie, ça vient du grec. C'est le fait de redire la même chose, une phrase ou un effet de style ainsi tourné que pour que sa formulation ne puisse être que vraie. Donc, la tautologie peut aussi s'apparenter au truisme ou à une lapalissade. En logique, le mot tautologie désigne une proposition toujours vraie selon les règles du calcul propositionnel. Tu vois, là, je viens de dire comme quatre fois un peu la même chose. Ouais. Est-ce que ça marcherait si je te dis Mathieu, moi, je sais c'est qui a ce soir au show caché? Je sais vraiment c'est qui a au show caché ce soir. Est-ce que tu sais c'est qui? Oui, c'est vraiment c'est qui. Oui, ce serait de la tautologie. Wow! C'est comme un pléonasme, mais dit avec un mot encore plus fancy que pléonasme, ouais. Tu sais. Donc, on va parler aujourd'hui dans son foutu palmarès de tautologie, ou ce qu'on appelle en anglais tautological. Parce qu'il rajoute le fait que c'est logique dedans. Donc, c'est deux parties redondantes ou synonymes. C'est un nom d'endroit avec deux mots, mais en différentes langues dans ce cas-ci, qui veut dire la même chose. Par exemple, en Californie, on mélange l'espagnol et l'anglais avec Laguna Lake, qui veut dire Lake Lake. Hein? Ou encore le Lake Lagunita, Lake Little Lake, Lac Petit Lac. Hein? La Pendle Hill. La Pendle de Pendle Hill, qui vient de Pinhill, qui est une combinaison d'un mot en cumbric, qui veut dire montagne, et le vieux mot anglais qui voulait dire montagne aussi. Donc, Pendle Hill, c'est vraiment hill, hill, hill. La montagne, montagne de montagne. River, river. Trois fois, ça n'a pas de sens. Donc, on commence avec le numéro un, qui est Lake Tahoe, qui veut dire Lake Lake, lui aussi. Donc, c'est un bassin d'eau sur la frontière entre le Nevada et la Californie. Ça prend son nom de prononciation. C'est un mot difficile à dire, prononciation, hein? Dur à prononcer. Mm-hmm. Pour Daha, qui est un mot qui vient de la langue amérindienne, Washo, qui veut dire lac. Voilà. Ensuite, t'as Lebri Tar Pits, qui veut dire the tar tar pits. Donc, les os d'animaux qui sont dans cet endroit-là, en Californie, ont été préservés à La Brea, qui est de l'espagnol, qui veut dire the tar, donc le goudron. Donc, les tartar pits, c'est les places de goudron, si on veut. Ensuite, la galaxie Milky Way Galaxy, qu'on appelle Milky Way Galaxy. Ça veut dire Milky Way Milky. Donc, le terme astronomique d'astronomie pour galaxie vient du mot grec antique, qui était utilisé pour décrire les bandes de lumière qu'on pouvait voir dans le ciel la nuit. Donc, ça donne Milky Way Milky. Ensuite, Minnehaha Falls, qui veut dire Waterfall Falls, les chutes de chute d'eau, finalement. Le nom pour cette chute d'eau du Minnesota ne veut pas dire, comme la légende le dit, la légende disait que ça voulait dire l'eau qui rit. Mais non, ça vient plutôt d'un mot en Dakota qui veut dire chute d'eau. Hein? Donc, les chutes d'eau. Le cinquième est un classique, j'en ai déjà parlé, c'est le désert du Sahara, qui veut dire le désert des déserts. Ouais, donc ce grand bout de terrain, hein, en Afrique du Nord vient de Sahara, qui est un mot arabe qui veut dire désert au pluriel. Voilà. Ensuite, numéro 6, c'est El Camino Way, qui veut dire le chemin. Il y a une rue à Palo Alto, en Californie, qui s'appelle El Camino Way ou The Way Way. Hein, et si tu conduis dans ta Chevy El Camino là-dessus, tu vas conduire ton chemin sur The Way Way dans The Way, qui est le nom que veut dire El Camino. C'est le chemin, donc. Avenue Road est le numéro 7. La ville de Toronto ne peut pas dire que c'est à cause de la langue ici. C'est pas une question d'espagnol ou de langue algonquienne. C'est vraiment Avenue Road, la route de l'avenue. C'est deux sortes de routes, là. Ça marche pas. En huitième, c'est Street Road, un peu la même chose. Pour cette route en Transylvanie, c'est la route 132. On peut pas blâmer les problèmes de langue, Street Road. En neuvième, c'est Mississippi River, qui veut dire Big River River. Hein, ça vient d'un mot algonquien, comme on l'a dit, pour Grosse Rivière. Donc, c'est la rivière Grosse Rivière. Hein? On aime ça. À numéro 10, The Rock of Gibraltar, qui veut dire The Rock of Tariq. Donc, le Gibraltar qui vient d'un mot arabe, d'une expression arabe, Jabal Tariq ou la roche de Tariq, nommé en l'honneur de Tariq ibn Ziyad, qui est un commandant du 8e siècle là-bas, qui a conquis l'Espagne après avoir assemblé ses troupes au Gibraltar. Donc, le rocher du rocher de Tariq. Et le dernier, mais non le moindre, East Timor, qui veut dire Est-Est. Est. Timor! Un peu comme. Oui, Timor. Un peu comme le fond avait l'air de dire, tu trouves pas? Et si, c'est-tu là? Genre, ça peut? Est. Genre, hein? Aïe, aïe, la toune est tellement appropriée. Aïe, aïe! Aïe, aïe! Donc, on dit East Timor ou Timor Leste. Ça veut quand même dire East, East. Timor qui vient du mot Timur en indonésien. OK? Ce qui veut dire Est. On pourrait dire que le nom n'est pas vraiment de la tautologie, vu que Timor est le nom de l'île le plus à l'est d'une chaîne d'îles et que East Timor est la moitié est de cette même île-là. Donc, c'est la partie la plus à l'est de l'île la plus à l'est. Mais c'est pas la plus à l'est de tout. En tout cas, bref. Hein? Ouais, je comprends. Moi, en tout cas, tu sais, pour être vraiment par rapport, Timor, là, moi, j'avais vraiment pas entendu ça depuis la fameuse annonce du chasse moustique. Je sais pas. Super Timor. Dis-moi en plus. Ah ouais? Non, mais. Toi qui m'explique. Je te dis, je vous dis à la maison, les auditeurs, j'écoute aucune publicité à la télé, mais je suis au courant de chaque pub parce que je pense que j'en fais par rencontre une par jour. C'est vrai, hein? C'est le fun, j'aime ça. Mais ça, c'est une vieille pub. Là. Puis c'est super Timor, c'est à peu près une canne qui doit faire. Tu sais, c'est vraiment. Ça doit être. Ça, c'est combien de pieds, ça? Deux pieds? Deux pieds de haut, là, la canisse. Okay. De, la canisse! Mais ça, j'ai pas entendu ça depuis ma jeunesse. T'as-tu une anecdote là-dessus? Non. Puis en tout cas, je pense que les gens savent pas mal de quoi je parle. Je pourrais. Écoute, je vais te la mettre sur la page Assemblage Requis, tu sais, pour faire un lien. Je t'admirerais incroyablement si tu faisais ça. Puis on va l'écouter ensemble pendant que tu mets une toune. Cool! Ben, on écoute une petite chanson d'Olinéa qu'on adore et qui était aux soirées cachées la plus récente, en fait. Est-ce que c'est difficile vu que c'est les soirées cachées au pluriel? Fait qu'il faut, comme tu dis, la soirée cachée, mais ça se fait pas parce que le trademark, c'est les soirées. Ouais, c'est ça. Mais c'est à cette soirée cachée, là, disons. Voilà. Bon, fou. Il y a un mois. À sept les soirées cachées. Oui. Donc, on va écouter Olinéa avec leur chanson, Ton mur d'élémentation, et puis on se retrouve après avec Arrête avec tes questions. Okay. Ton mur d'élémentation de Olinéa. Olinéa qui sera d'ailleurs en spectacle ce vendredi. Au... À l'appart. L'appart. L'app. Au l'app. Ah. Hey, ouais, attends, c'est le vin, ça. J'entends une mouche qui s'en vient, je pense, dans le studio. Oups. Aïe, ne tuez plus les moustiques avec des claques sur vos joues. Aïe, des claques sur vos pieds. Des claques sur vos bras. Aïe. Super Timor est là. Super Timor est encore plus fort avec sa nouvelle formule. Le temps de sentir l'odeur Super Timor. Les insectes sont déjà morts. Super Timor avec ta nouvelle formule. Vraiment, vraiment plus fort. Super Timor, Super Timor. Le numéro 1. Le numéro 1. Numéro 1. Donc voilà, c'était. Quand je l'ai montré à Mathieu, là, on parlait de. C'était quoi déjà de Lake Timor? Lake Timor, exactement. Lake oui. Timor. C'est ça. Donc on parlait de Lake Timor, puis Timor me faisait penser à cette délicieuse annonce qu'on a, ben, j'imagine, pas mal toutes vues. Pas mal toutes rencontrées sur Internet un jour ou l'autre. Un de ces quatre. Oui. Moi, en tout cas, dans la vie, Jean-Philippe, j'aimerais ça que tu me demandes des choses, parce que moi, j'ai comme plein de connaissances, puis j'ai besoin de me vider une fois de temps en temps, sinon Blue Base. Hein. T'as besoin de... Blue Base de cerveau, tu sais, j'ai besoin de vider ma congestion vaso. Oui, puis le bleu est d'Adon. Parce que j'ai une question pour toi qui concerne un bleu. OK, bon, arrête avec tes questions. Arrête avec tes questions, elle n'en peut plus. Par pitié, je t'en prie, sois cool. Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. S'il te plaît, mon chéri. Je devrais être capable de répondre à quelques-unes de tes questions, Jean-Philippe. Ouais, tu penses? Je crois. Mm-hmm. Ben écoute, tantôt, tu parlais de Blue Balls. Et puis, ça m'a inspiré cette petite question. Toi aussi, qui aimes bien prendre une bière des fois quand il fait beau. Ah oui. Et puis, s'installer sur une terrasse, les cheveux dans le vent. je me laissais inspirer par la musique. Oh, c'est romantique, c'est poétique. Oui, écoute, à chaque fois que je vais à l'épicerie, au dépanneur, puis que je m'achète de la Pabst Blue Ribbon. Je me demande tout le temps pourquoi il y a comme un ruban bleu. Ce qu'on appelle un ruban bleu, oui. Oui, ouais. Sur le c'est le logo, en fait, puis c'est écrit Pabst Blue Ribbon dessus. Ça demande pourquoi c'est ça? Oui, explique-moi. Je peux sûrement te répondre à ça. Je peux sûrement avec mes vastes connaissances du monde biérophilogue. Oui, oui. Si on veut. Donc, avant de s'appeler Pabst Blue Ribbon, la bière officielle des hipsters, là, et de tout le monde qui aime la bière, qui goûte un petit peu, certains diront... la piste de chat. Hein? Donc, c'était nommé en honneur de son brasseur, Jacob Best. Ça s'appelait Best Select. Et là, il a pris sa retraite et il a laissé la compagnie entre les mains de ses fils. Et donc, comment t'appelles ça? Son gendre, si on veut. Ouais. Son gendre. un ancien capitaine de bateau nommé Johann Gottlieb Friedrich Pabst, qui était propriétaire déjà d'une partie des parts de marché de la compagnie, et éventuellement est devenu son président et a changé de nom pour Pabst Brewing Company. Oh. Donc, selon l'historique de la compagnie, Best Select avait gagné déjà plusieurs prix à des compétitions de bière, là, et Pabst, le gars, a décidé de mettre des rubans bleus, des vrais rubans physiques autour de chaque bouteille pour l'identifier comme gagnante de prix à partir de 1882. Et après ça, après une décennie, il y avait besoin d'au-dessus d'un million de pieds de ruban par année. Okay? Donc, pour tous les prix qu'elle avait gagnés, cette bière-là n'avait pas gagné littéralement un ruban bleu. Elle avait juste gagné des prix comme ça, génériques. Et selon la compagnie, le premier prix est arrivé en 1893 à la Columbian Exposition de Chicago. Et donc, là, ils ont commencé à vendre plus de bière. Ça a attiré de l'attention. Et donc, ils ont changé la compagnie, la bière Best Select. Ils l'ont appelée Pabst Blue Ribbon à partir de là. On dit aussi qu'il y a eu d'autres foires, d'autres prix. Et il y avait des foires qui attiraient les gens, ils attiraient les exposants en leur promettant qu'ils allaient peut-être gagner des prix. Okay? Donc, selon certaines sources historiques, les organisateurs essaient de donner des prix différemment à différentes catégories d'excellence. Et à chaque participant allait quitter avec une médaille de bronze commémorative et un petit certificat, un genre de parchemin. Et donc, on dit qu'ils ont gagné quelques-uns de ces prix-là. Et les juges ne comprenaient pas nécessairement les règles et ne suivaient pas nécessairement chacune des catégories qu'on leur demandait d'assigner. À des bières. Donc, ils devaient coter, par exemple, la saveur sur un score de 0 à 100 aussitôt qu'une bière avait 80 ou plus, ils allaient avoir la médaille et le certificat. Mais les choses n'ont pas vraiment marché comme ça. Bref, ils ont donné les prix un petit peu n'importe comment. Ce que ça a fait, c'est que la compagnie Anheuser-Busch, qui fabrique, c'est quoi? C'est Budweiser, je pense, Anheuser-Busch? En tout cas, quelque chose comme ça. Ils ont mené Pabst par 2 points. Okay? Donc là, la compagnie Anheuser-Busch a commencé à dire qu'ils étaient le roi des bières, King of Brewers, le roi des brasseurs. Donc, dans cette catégorie-là, il n'y avait pas à dire la catégorie. Tout ce qu'il y avait à dire, c'était bon, les rois des brasseurs. C'est un petit peu un titre comme ça qu'on se donne. Et bref, là, ils se battaient les uns les autres. En fait, les concours étaient organisés spécifiquement pour ne pas que les gens se battent. C'est pour ça qu'ils faisaient des scores sur 100. C'est comme ça tu pouvais donner des prix à plusieurs. Uh-huh. Puis personne ne se battait pour avoir le numéro 1, tu sais. C'est un peu genre tout le monde gagne. Mais bref, Pabst voulait quand même dépasser Anheuser-Busch. Donc, ils ont commencé à s'annoncer comme étant gagnant d'un grand prix, Grand Prize Winner, même si la médaille et le certificat étaient, dans le fond, la même que les autres compagnies qui avaient aussi gagné des prix. Donc, pour récompenser sa compagnie, dans le Milwaukee, à leur usine de Pabst Blue Ribbon, ils ont fait un grand ruban bleu. Ils ont entouré la bâtisse de ce ruban-là et puis ils ont donné congé, la journée de congé au complet à leurs employés, quand même. Et depuis ce temps-là, ben, Pabst continue à dire que leur bière a été choisie comme la meilleure aux États-Unis en 1893. Et c'est écrit sur chacune de leurs bouteilles. Pabst Blue Ribbon. Mais c'était pas les seuls à avoir gagné. Non, mais c'est le fun. C'est quand même le fun. C'est très drôle. Je trouve ça cool comme histoire. Ouais, vraiment. Next! Attends, comment je vais pouvoir te faire une transition? Moi, quand je prends justement une petite bière, j'aime ça écouter un bon film d'action. Cool. Donc, Die Hard ou des affaires. Ouais, c'est ça. Oh. Puis là, j'ai écouté un de mes derniers films que j'ai écouté. Il y avait comme un commando qui opérait de nuit. Puis là, je me suis posé la question, pourquoi à chaque fois qu'il y a un commando qui ont des night vision? Les lunettes nocturnes. Où on peut voir dans le noir, un peu comme dans Love Story dans le temps. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est vert. Tu sais, ils ont pourquoi comme la face verte. Pourquoi c'est pas bleu? Pourquoi c'est pas rouge? Pourquoi c'est pas comme le Virtual Boy à l'époque? C'était rouge et noir. Exactement. Puis je me demandais pourquoi d'où vient ce vert? Excellente question. Donc, le vert est très, très caractéristique. En plus, c'est même pas n'importe quel vert. C'est un vert très spécifique. On le connaît tous. Évidemment, les fabricants d'appareils ont fait des expériences avec plusieurs couleurs. Et là, ils ont essayé de trouver la couleur parfaite. Même si celle-là a l'air particulièrement épeurante maintenant qu'on y pense. Là, quand tu regardes ce vert-là, ça fait peur maintenant. Mm-hmm. Mais dans le temps, ils se disaient vert, c'est la meilleure couleur pour ça. Pourquoi? C'est doux. C'est doux. C'est pas mal ça. En fait, c'est que l'œil est plus sensible à ici, c'est des termes techniques, là, à des light wavelengths de 555 nanomètres, c'est-à-dire vert. Et l'affichage peut être un petit peu plus sombre avec du vert, ce qui va conserver de la batterie. En fait, ils avaient essayé plusieurs autres couleurs. Les autres couleurs auraient pris plus de batterie dans l'appareil. Le vert peut être plus foncé et rester reconnaissable. Alors que d'autres couleurs, si tu les rends plus foncés, tu ne verras pas les différences entre les teintes. Donc, c'est en gros pas mal la réponse. Il y a beaucoup de détails sur l'article sur assemblagerequis.com parce que non, évidemment, je ne sors pas ces réponses de mon chapeau. Elles viennent d'un article sur mensofflas.com. Le reste des détails, c'est super intéressant, mais c'est très, très technique. On parle de photos cathodes et de tubes intensificateurs d'images que je comprends absolument rien. Mais en gros, c'est que la couleur est plus calme, plus reposante, plus sombre et donc prend moins de batterie. Et on peut voir plus les détails avec le vert. Et on a le temps pour une dernière petite question, je pense. Oui, ben là, c'est ça. Mon anglais me fait défaut ici. parce que je me suis écrit les questions en anglais. Pense-y. Ouais. Parce que... La fumée? Oui, est-ce que quand tu réfléchis très, très fort, ça peut boucaner? Est-ce que ça peut boucaner? Est-ce que tu peux avoir une boucane de cerveau de réfléchissage? Si, je comprends. Mais est-ce que penser trop, ça va t'épuiser mentalement et physiquement? Exactement. Est-ce que la fumée va faire que tu vas comme... Ouais, c'est ça. T'as bien saisi l'essence même de ma question, même si je t'ébroche à foin. Ben non, mais c'est très bien, parce qu'il faut pas trop penser, parce que si tu penses trop, tu vas peut-être t'épuiser. C'est ce qu'on veut savoir. C'est ce que je veux savoir. T'sais, fait qu'il fallait pas. Donc, le cerveau, c'est quand même quelque chose qui est responsable pour bien des choses. Ça fait bouger ton corps, ça dit à ton cœur de battre, ça te fait respirer sans trop y penser. Ça fait plein de choses, un cerveau. Mais la connexion entre penser trop et s'épuiser, c'est apparemment complètement dans nos têtes. Selon une étude de Samuel Marcora de l'Université de Kent, elle a demandé à plusieurs sujets, en fait, les personnes qui ont accepté de participer à l'expérience, de jouer à un jeu sur ordinateur très, très difficile, alors que d'autres gens regardaient un documentaire qui parlait de train ou de voiture. Okay? Donc, les deux groupes ont ensuite pris un test d'endurance sur un vélo d'exercice. Et ceux qui ont joué au jeu très difficile, le jeu sur ordinateur, ont abandonné, ils ont arrêté de pédaler plus tôt que ceux qui avaient regardé un documentaire bien relaxant sur les voitures et les trains. Tu t'éteins le cerveau un petit peu, puis tu regardes ça, puis tu fais comme « Ah, ben c'est cool, mais je m'en fous un peu. Mm-hmm. » Suggérant que, évidemment, ici, dans ce cas-là, ça suggérait que l'épuisement mental avait un sens, parce que ceux qui avaient joué à un jeu plus difficile étaient épuisés et ont arrêté plus rapidement. Par contre, Marcora a trouvé aucune relation entre l'épuisement mental et l'effet cardiovasculaire. Donc, la pression sanguine, la consommation d'oxygène, le cœur, etc., tout ça était resté normal. Donc, les sujets avec qui, dans le fond, qui avaient participé à la tâche plus épuisante, sont arrivés dans le test en le percevant comme plus difficile qu'il l'était vraiment à cause de ce qu'ils avaient fait avant. Uh-huh. Donc, dans leur tête, ils se disaient, bon, ben, je suis épuisé, donc j'imagine que je vais être moins bon à mon test, donc je vais être moins bon à mon test, donc je vais aborder le plus rapidement. Donc, ce qui est mieux avant un dur examen, c'est d'écouter quelque chose qui te demande pas de réfléchir. Ben, c'est dans le fond, les deux, en tant que tel, sur ton corps, ça fera aucun changement, mais sur ton moral, ça va faire changement. Donc oui, peut-être faire quelque chose de relaxant, parce que comme ça, tu vas te dire dans ta tête, bon, ben, tu sais, maintenant, je peux travailler plus parce que je viens de relaxer. Alors que si tu viens de travailler, tu voudrais pas retravailler. Il y en a qui vont pas vouloir faire plusieurs phases de travail, une après l'autre, en se disant, je vais être mort à la fin. Ouais, je comprends. C'est pour t'empêcher de mourir toi-même d'épuisement. Maintenant, je me sens plus relax et plus apte à mieux co-animer avec toi. Penses-tu pouvoir me reposer la même question, mais correctement cette fois-ci? Oui. Voilà pour arrêter avec tes questions. Merci de m'avoir posé ces questions-là. Partager ma connaissance, c'est un, mais un oui, cadeau. Je te renvoie le merci. Écoute, oui. On va se lancer des fleurs aujourd'hui. Et moi, je vais lancer des fleurs à mentalfloss.com qui m'aide avec les réponses. Oui. Puis là, fais attention, j'ai des allergies. T'as des allergies, ouais, les fleurs, le pollen. Je vais te lancer juste le pollen. En fait. donc voilà, pour cette chronique-là qu'on fait une fois de temps en temps ici à Assemblage Requis. On prend une pause au retour, Maxime Bilodeau. Yes. Et une foulée à l'autre, c'est là. Les extrêmes, ça nous anime. CFO 89. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage Requis jusqu'à 9h. Ouais, c'est vrai ça. Ouais. 7h37, Jean-Philippe Charbonneau toujours là. Mathieu Plante aussi. Oui. Et Maxime Bilodeau, on va juste... Voilà. Repartir la chanson d'Arrête avec tes questions. Tout à l'heure, on parlait d'épuisement mental versus l'activité physique et l'endurance. Effectivement. Maxime Bilodeau, notre expert en culture sportive, pour sa chronique « D'une foulée à l'autre s'en vient », mais il va peut-être pouvoir répondre aussi à cette question-là. Je rajoute mon grain de sel. Rajoute. En passant, c'était très bon, Mathieu. J'ai bien aimé l'explication. Merci. Mais tout ça est parti de questions très pertinentes aussi de ma part. Exactement. Effectivement. Donc, on se demandait si le fait de réfléchir, on avait une plus grande dépense énergétique, on était plus sollicité, est-ce qu'il y avait une plus grande fatigue? Eh bien, mon grain de sel étant qu'à l'Université Laval, il y a un chercheur c'est du nom de Angelo Tremblay qui a fait des recherches qui datent de, je pense, 2-3 ans, justement, sur le travail mental, l'effet du travail mental sur la dépense énergétique et sur la consommation d'aliments. Et comme je vous expliquais, comme je vais expliquer aux auditeurs, eh bien, lui, ce qui s'est attardé, c'est vraiment savoir combien qu'on dépensait de calories, ce qu'on dépensait plus de calories en réfléchissant. Et il avait fait un protocole derrière cela, dans le fond. Et la première personne sur laquelle il avait testé, c'était lui-même. Mais ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait pris une condition où il remplissait des longs formulaires de demande de bourse bien compliqués. Et une autre condition où il était assis dans son lazy boy et qu'il faisait rien. Et puis, il avait mesuré dépense énergétique à l'aide de différents dispositifs et s'était rendu compte qu'il n'y avait aucune différence entre les deux. Par contre, ce qui s'était ensuite rendu compte, c'est que le fait de réfléchir intensément le menait à vouloir consommer plus d'aliments barbares. Donc, tout ce qui est sucré, tout ce qui est salé, tout ce qui était. Dans le fond, il y avait le goût après ça d'aller s'ouvrir un sac de chips et manger des bonbons, etc. Cool. Donc, qu'est-ce qui s'était arrivé? C'est tout simplement que tous les processus qui nous donnent le goût de manger plus, donc tout ce qui est ghrelin et tout, les hormones, peu importe, s'activaient quand on réfléchissait plus. Et je me souviens d'avoir lu un petit livre de vulgarisation justement qui sur ce qu'il avait fait. Et il disait justement que à l'université, c'était pas rare d'avoir des anecdotes du genre « Ah mon Dieu, depuis que je suis à l'université, ben, j'ai pas arrêté de grossir. Ouais. » Ou « Ça fait 3 ans que je suis à l'université. » Puis avant, après, c'est comme Jean-Philippe me disait également. Ouais. Je suis en train de recréer le Bing Bang. Je suis parti de rien, puis là, j'ai il va combler un trou noir. Mais tout simplement pour dire que c'était justement le côté anecdotique pouvait être confirmé par cette règle-là, dans le sens que quand on réfléchissait beaucoup, on était sollicité mentalement beaucoup, on avait naturellement plus le goût de se tourner vers des aliments. Des petites grignotines. Et voilà. Très intéressant. Ça nous est tous déjà arrivé qu'après un examen où on a été, excusez-moi le terme, on a été violé mentalement parce qu'on n'est plus, plus apte à rien, ben là, on se précipite dans, je sais pas moi, baril de poulet de poulet frites à Kentucky. Faut se récompenser aussi. Hier, j'ai rencontré quelqu'un qui sortait d'un exposé oral. C'est la période des exposés orales en ce moment. Il y avait un sandwich barbecue et une bière en main. J'étais comme, quel merveilleux combo. La beauté de la journée en plus d'hier. Effectivement. Une journée glorieuse. Malade. Ouais. Donc, merci Maxime Bilodeau. Ça fait plaisir. C'était une fin alternative à la chronique. Fait que là, maintenant, on me recraint. On te repart pour ta chronique qu'on appelle d'une foulée à l'autre. Maxime Bilodeau, d'une foulée à l'autre. Et aujourd'hui, on parle de l'importance de l'échec sur le chemin de la réussite. Avertissement avant de commencer la chronique. C'est une chronique bourrée de lieux communs et d'associations faciles. Donc, jokes de pète. Peut-être pas aussi lieux communs que ça. Mais vous allez voir, c'est rien de trop mind-blowing. Un résumé de la finale de La Voix. c'est fort. C'est très mainstream. C'est très mainstream. Donc, aujourd'hui, comme tu as dit, c'est l'importance de tout ce qui est adversité, tout ce qui est recul, tout ce qui est échec dans le développement du talent. Alors, je reste encore là dans ma thématique un peu de la semaine dernière. Donc, je vais parler du succès, je vais parler de la pratique délibérée, de la règle des 10 000 heures. Je reste encore un peu dans la thématique du talent et du succès. Et je me suis posé la question, suite à la lecture d'un article, est-ce que les traumatismes, on va tout regrouper, tout ce qui est échec, adversité, etc., sous le terme de traumatisme. Ouais. Est-ce que les traumatismes sont nécessaires dans le chemin vers la réussite? Mm-hmm. Ben, si t'apprends pas de tes erreurs, Exactement, tu viens de, encore là, Mathieu, le tour de résumer de façon. Je suis un gars concis, on m'appelle circoncis. Ce qui est drôle avec la science, parfois, c'est que des grands principes de psychologie, d'affaires comme ça, on les résume, ça relève du gros bon sens, sont dans la culture populaire, on est capable de les résumer de façon très, très facile, très, très rapide. Mais, mine de rien, il y a tout le temps des grosses études derrière ça, il y a tout le temps des gros concepts, des grosses théories. C'est justement une de ces grosses théories-là que je vais vous exposer de long en large aujourd'hui. Good. Donc, je suis prêt. Donc, d'où vient ma lecture a été faite, vous n'allez pas être surpris, par rapport au monde sportif. Donc, le papier que j'ai lu s'attardait aux académies et aux écoles qui développent des champions à la chaîne. Donc, tout ce qui est les sports études, tout ce qui est les académies sportives et tout. Et il se posait une question qui est très, très légitime, tant qu'à moi, qui est un peu paradoxale dans un sens. Dans ces académies-là, dans ces écoles-là, dans ces programmes-là, on se rend compte qu'ils sont désignés de façon à ce que les élèves soient très, très protégés, soit très, très englobé, soit très, très dans de la ouate, si on veut. Okay. Donc, essayer de minimiser les impacts un peu de la vie générale pour favoriser justement le développement de l'athlète. Donc, un peu minimiser les stress pour favoriser le développement de l'athlète. Ça, c'est un élément. Sauf qu'on se rend compte, comme je disais en ouverture, que pour que les athlètes connaissent du succès et se rendent en haut de l'échelle de la pyramide et soient les plus forts et soient, etc., etc., il faut qu'ils développent des capacités de gérer le stress. T'es capable de composer avec le stress et développer des outils pour répondre efficacement à ce stress-là. Donc là, on se rend compte qu'il y a un paradoxe. On est dans un environnement où c'est très facilitant, tandis qu'on a une nécessité de justement développer des caractéristiques, des habiletés. Ce qui fait que l'article se pose la question de savoir est-ce que on ne devrait pas, dans ces académies-là, un peu moins dorer la pilule aux élèves, ce qui est tout à fait, ce qui est une bonne question à se poser. Dans le fond, on ne devrait pas un peu traumatiser volontairement le monde, les élèves pour... Faire exprès pour qu'un joueur de basketball tombe à terre puis que son os sort de sa jambe. Provoquer ça, là. Peut-être juste, c'était une journée où il fait pas beau puis c'est le gros orage puis c'est frais dehors puis c'est pas le fun. On en connaît ou on va peut-être connaître aujourd'hui. Eh bien, à la place de leur dire ah oh, bon, on vous reste à l'intérieur, on va vous adapter à ça, ben, on les met dehors, puis allez faire ce que vous faites habituellement. Ça, sortez votre sac à dos, mettez votre mijoteuse. Ouais, genre coups, un peu militaire, là, un peu. une joke par jour à date sur le truc à Boston. Mais j'imagine aussi le stress vient d'adversité. Il faut qu'il y ait une grosse compétition pour que les gens se poussent, parce que sinon ils vont faire voir. Effectivement, c'est que ça reste tout le temps la question à savoir est-ce qu'ils vont être capables de réagir comme il faut au bon moment. Donc, à savoir s'ils sont capables de quand ils vont être tout seuls face à l'adversité. Tu sais, je vous donne un exemple, un témoignage qui m'avait marqué. Vous connaissez Alexandre Bulodeau, il a un beau nom de famille d'ailleurs. Alexandre Bulodeau, qui est un descendeur alpin, un skieur de bosse alpin, de sport d'hiver. Eh bien, lui, à un moment donné, il racontait que il n'y a pas plus stressant, gigantesque au moment que quand t'es en finale, en haut de la pente, et que là, il y a la foule qui crie en bas, et c'est là, ça se joue, puis c'est pour la prochaine minute ou les prochaines 30 secondes, peu importe le temps que ça dure, j'y vais. Imaginez-vous, mettez-vous dans le contexte mental que ça demande, la force mentale, d'être capable de composer avec les éléments rendus à ce moment-là. Mm-hmm. C'est dantesque. Donc, comment qu'on fait pour développer cette capacité-là? Ça revient un peu à se poser ces questions-là. D'ailleurs, toutes ces questions-là, on peut les appliquer à d'autres domaines que le domaine sportif. Donc, que ce soit dans le domaine de la médecine, de l'éducation, dans le domaine des communications, beaucoup. Et est-ce que le fait de des fois être pitché sur le terrain ou pitché dans le bain, sans nécessairement avoir le training ou la formation, juste recourir à ses instincts, à ses... Ça donne l'impression que les gens qui étudient en communication finissent en communication, mais c'est tellement pas le cas. Que... C'est effectivement. Ça, c'est un autre... Est-ce que ça s'applique en restauration ou dans la vente de vêtements? En fait, ça s'applique partout. Même la vie de couple, on peut se dire, est-ce que le fait de connaître l'adversité, ce qui est tout à fait normal dans une vie de couple, va pas aider à justement mieux composer avec le futur et les futures embûches? Toutes des questions encore là, on va se poser ces questions. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que les traumatismes, en fait, ce sont souvent des précurseurs au succès chez ceux qui finissent par le connaître. Donc, en termes de statistiques, on pourrait dire que c'est une corrélation entre traumatisme et succès en bout de ligne. Donc, du côté anecdotique, je viens de finir de lire un livre, un excellent livre, une autobiographie de André Agassi. Il s'appelle Open, et André Agassi est un joueur de tennis, un athlète. Open, qui était un terme de tennis aussi. Et de tennis, les grands chelems, US Open, etc., etc. Donc, on se rend compte que dans les 500 quelques pages que dure le livre, il en a connu en tabarouette d'adversité. Il a eu à traverser plusieurs situations. Il a été traumatisé à plusieurs reprises. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure, puis c'est bien écrit pour ça, c'est bien présenté pour ça, que le personnage, il se développe au fur et à mesure qu'il avance. C'est pas lui d'ailleurs qui s'était fait construire un terrain de tennis dans un désert pour s'habituer au traumatisme de la chaleur. C'est mentionné, c'est peut-être pas traumatisé de la chaleur. Je sais pas si on peut dire ça de même. Mais effectivement, c'est un gars qui vient de Las Vegas. Il y a un désert là-bas. Il y a un désert à Las Vegas. Très bon point, Mathieu. Très bon point. C'est ça? C'est ça? Une pièce de robot. Merci. C'est pas sûr. T'as pas un morceau, t'as une pièce de robot. Un boulon. Faut bien commencer quelque part. Donc, oui, effectivement, il vient de Las Vegas. Donc, il a eu dû. Son père, en fait, était. On se rend compte quand je disais qu'il a été traumatisé. Son père était un peu un bourreau de quand il a pris très très jeune. Il a commencé très jeune, il l'a mis sur un cours de tennis. Il l'a entraîné. Donc, effectivement, il a eu à composer avec ça. Donc, c'est vrai qu'un exemple pour vous dire qu'effectivement, côté anecdotique, André Agassi, c'est un bon exemple du traumatisme en tant que nécessité pour le succès. Donc, d'autres exemples en vrai, Tiger Woods, on l'a vu, il est revenu, il a fait le tournoi, les Masters, la fin de semaine dernière. Lui, il l'a usé son bâton. Et lui, il l'a usé son bâton. En parlant de bâton, on se rend compte qu'il y a 2-3 ans, là, quand on parlait de Tiger Woods, qu'est-ce qu'on disait? C'était l'infidèle. Effectivement. Là, il est revenu au temps. Donc c'est juste pour dire qu'à un moment donné, il a rebondi à quelque part. Les gens oublient. Ils n'oublient pas, mais pardonne. Pardonne. Dans le moment, ça a l'air vraiment comme la pire affaire du monde. Puis là, il n'y a plus de carrière, puis ça, c'est fini, sa vie est... Puis là, j'imagine qu'il a retrouvé ses commanditaires aussi. En plus. Il sur toutes les pancartes. Effectivement. Peut-être que Pistorius va pouvoir revenir aussi un jour. Ou pas, effectivement. Lance Armstrong, un exemple. Lui, par contre, ça n'a pas trop marché. Quoi qu'on ne sait jamais, le futur n'est pas 5 ans. On n'est pas 5 ans plus tard. Ouais. Non, effectivement, on s'en reparlera dans 5 ans. Monsieur. Comme les politiciens, on en parlera avec François Landry, mais c'est la même chose. Hein. Effectivement. Les gens oublient les infidélités là-dedans aussi. Fait que les sportifs, les politiciens, ça peut tout faire. Ça peut tout faire. Ça attend après ça 5 ans. Ça peut tout faire. Sauf que vous allez d'accord, et là pour revenir à mon sujet, qu'il faut quand même qu'ils soient capables de rebondir par eux-mêmes. Ouais. C'est là la capacité, ça se travaille, cette capacité-là. Vincent Lecavalier également, dans un livre écrit par le journaliste Luc Gélina de RDS, ou qui fait, il retrace le parcours de plusieurs hockeyeurs qui ont connu, fini par connaître du succès dans la LNH. On se rend compte que Vincent Lecavalier, même s'il est très talentueux, même s'il était très prédisposé à connaître du succès, a dû quand même composer avec, avec des traumatismes. Donc, tout ça pour dire que finalement, les traumatismes constituent un peu des moments critiques où, dans le fond, ça passe ou ça casse. Donc, quand ça passe, c'est, on se rend compte que les gens augmentent leurs efforts, leur concentration, etc. Et quand ça casse, ben, c'est l'abandon, c'est on laisse faire la chose et on se démotive. Donc, l'enjeu, en fait, c'est de développer, comme je disais, les habiletés nécessaires pour bien répondre à ces situations-là. En anglais, on appelle ce terme-là un peu le coping, to cope, qui on pourrait traduire en français « tenir le coup », dans le fond. Donc, c'est des habiletés nécessaires à ça. Et on se rend compte que pour développer ces habiletés-là, ça se fait, dans le fond, à partir même des expériences. Donc, il faut un peu cheminer avec les expériences qu'on fait pour avancer et pour se dire que ah, okay, à tel moment j'aurais pu réagir de telle manière et tout et tout, et il faut être un peu guidé dans ce cheminement là. Donc là, je disais tantôt, c'est rien de sorcier ce que je dis, c'est des lieux communs, mais c'est quand même qu'il faut y penser. Ça implique quand même qu'il faut faut quand même prendre le temps de réfléchir par la suite. Il faut être quand même capable de cheminer, d'avoir un recul pour pouvoir le faire. C'est ça, sinon tu stagnes. Oui. et voilà. Donc pas être tout le temps dans l'action, mais également dans l'analyse, et d'être capable d'aller allègrement de l'un à l'autre. Donc, c'est un peu une roue qui tourne, dans le fond, à quel point on pourrait dire que plus il y en a, mieux c'est. Oui. C'est la notion, puis c'est un terme, c'est un peu comme pratique délibérée, c'est la notion d'expérience délibérée, donc de traumatisme délibéré, si on veut, donc c'est-à-dire intentionnel. Donc, on soumet intentionnellement la personne, et voilà, à des traumatismes. Donc, comme je disais, de manière générale, on constate qu'il y a une plus grande incidence de ces expériences délibérées-là chez ceux qui ont connu du succès. Donc, si on prend le parcours de vie de quelqu'un, on va se rendre compte que plus tu connais du succès, plus tu as du temps, plus qu'il y a de succès, il y a de traumatismes dans ce chemin-là. Que ce soit des traumatismes très mineurs à très majeurs, parce qu'il faut se rendre compte qu'il y a également une gradation là-dedans. Que si à 3 ans tu deviens paraplégique, tu perds tes parents, puis il y a une guerre nucléaire dans ton pays. Et qu'on souhaite pas ça à personne. Peut-être qu'à 3 ans, t'as pas les habiletés de coping nécessaires pour être capable de traverser cette difficulté-là. Ça, c'est une mauvaise journée, ça. Alors, c'est une mauvaise journée, effectivement. Okay. Journée, I had a bad day. Je changerai pas cette chanson. Non, c'est bon. Sacile. Tu peux jamais trop pire à la fin si ça te fait plaisir. Donc, c'est quand je dis de mineur à majeur, c'est qu'il y a une gradation, effectivement. Donc, je donnais l'exemple de la température. Un exemple un peu plus majeur, ça pourrait être le racisme. On se rend compte que les athlètes qui sont dans les académies, qui sont soumis à plus de racisme, à la part du temps, vont développer des capacités, vont mieux s'adapter. T'as la carapace plus épaisse. Effectivement. Si, je sais pas moi, si t'as n'importe quel défaut physique majeur, tu bois, tu as les jambes pas égales, ou peu importe. T'es défiguré. Effectivement, ben... T'as une scoliose? Oui! Même. Ah ben là! Tu fais ta calvitie? Ah, il y a eu malaise, hein? Silence! Imaginez-vous les trois. T'as pas les jambes égales, tu fais une scoliose, puis tu fais la calvitie. C'est dur, la vie, c'est dur. Donc, je vous parlais des habiletés nécessaires pour s'en sortir, pour tenir le coup. Ces habiletés-là, on les désigne sous le nom de résilience, d'état d'esprit, d'état d'esprit centré sur la croissance, de dureté du mental, la fameuse mental toughness. Le mental dans les boys. Toute cette capacité-là, c'est dans le fond, les points communs qu'ils ont, c'est qu'ils sont tous des éléments qui sont centrés sur le processus. Donc, sur le fait d'être dans justement le processus et non dans l'anticipation ou dans le regret, au contraire, avec le passé. Donc, tout le temps dans le processus, dans le présent. Ce sont des habiletés qui sont apprises. Donc, tout ce qui est résilience et compagnie, ce ne sont pas des choses qu'on est résilient. On finit par apprendre la résilience, elle est mise à l'épreuve. Ouais. C'est de l'acquis et non de l'inné. Effectivement. Dans ce cas-là, c'est de l'acquis et non de l'inné. Ce sont des habiletés qui sont transférables, donc c'est pas nécessairement tout le temps lié au monde sportif. Donc, on peut connaître l'adversité dans notre vie en général et finalement de transférer ces habiletés-là au monde, à d'autres situations. Donc là, c'est les éléments qui sont transférables. Donc concrètement, c'est quoi les habiletés? C'est être capable de faire preuve de motivation intrinsèque versus extrinsèque. Donc ça, c'est on est motivé par soi-même et non par les autres ou par des éléments qui sont extérieurs à nous. On est capable d'avoir une attitude flexible et non rigide. Donc capable de faire preuve d'un certain laisser-aller face aux choses. On est capable de faire des associations entre des éléments qui nous arrivent et des effets positifs. Donc, on va être capable de vivre positivement les choses, même si les choses sont négatives à la base. Voir le bon côté des choses. Silver lining. Effectivement, le verre à moitié plein, non, oui. À moitié vide. C'est une très, très bonne façon de le dire. Être capable de se fixer des objectifs. C'est un classique, mais la fixation d'objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, qui sont ciblés dans le temps. Donc, c'est être capable de faire ça au quotidien. Donc, des objectifs à court, moyen, long terme, etc., etc. C'est de reconnaître ses limites. Effectivement. Ouais. Effectivement, c'est capable de reconnaître ses limites, mais de travailler pour justement dépasser ces limites-là. On joue tout le temps sur une ligne très mince, mais ça reste un peu, encore là, le verre à moitié vin, à moitié plein, à moitié vide. Le verre à moitié vin. Si tu veux, tu peux. Effectivement, c'est cliché, mais ça revient un peu à dire ça. Des capacités d'imagerie mentale. Donc, on se rend compte que les experts vont avoir ils vont être capables de se projeter, de pratiquer mentalement dans leur tête, vont avoir ces capacités-là très, très développées. Tout ce qui est les capacités également de pleine conscience, qu'on appelle le mindfulness, vont être également très, très développées. Donc, tout ça, ça constitue une boîte à outils dans lequel on puise justement quand on est confronté à des situations qui sont un peu plus difficiles dans la vie. Donc, c'est vraiment ces habiletés-là. Donc, ça, c'est vraiment pour les habiletés. Sinon, du côté de la démarche structurée, pour être capable justement de tirer quelque chose de des expériences et de mettre en pratique notre boîte à outils, c'est un peu comme un entraînement, en fait. Je vais faire l'analogie ici parce que l'analogie est très bonne à faire. Dans le fond, cette démarche structurée-là, c'est une démarche d'entraînement. Et qu'est-ce que l'entraînement, en fait? C'est tout simplement la logique voulant qu'on applique un stress. Notre homéostasie est perturbée. Donc, homéostasie, c'est un équilibre normal de Équilibrium. Base. Équilibrium. Équilibrium. Voilà, on sort un peu de latin. Le corpus s'adapte, c'est ce que je reviens à dire, ça. Le corps s'adapte. Le corps s'adapte. Et voilà, l'entraînement, c'est le corps s'adapte. Bon, l'homéostasie est perturbée. On connaît, dans le fond, temporairement, nos performances, notre rendement va être moins bon. On va finir par rebondir et on va surcompenser pour atteindre justement un nouvel équilibre d'homéostasie. On enchaîne ces cycles-là et finalement, on atteint un niveau bien plus supérieur que le niveau de base. Donc ça, à la base, c'est ça, l'entraînement. Eh bien, ici, avec les traumatismes, on peut effectivement appliquer la même logique. Donc, les stress qui sont appliqués, ce sont les traumatismes, justement. La capacité à déployer les outils dont je vous parlais tantôt, c'est justement la capacité d'adaptation. Donc, on se rend compte qu'on peut appliquer la logique d'entraînement. On peut également appliquer tous les principes qui sont derrière la logique d'entraînement. Donc, il y a un principe qu'on dit que d'individualisation. Donc ça, c'est que les traumatismes n'ont pas les mêmes effets chez tous et chacun. Donc, chez toi, Mathieu, on peut se rendre compte que tu as certaines faiblesses, que tu vas répondre différemment que Jean-Philippe, que moi, que peu importe. Je vous bats dans le nombre de faiblesses, je suis sûr. Ou probablement que tu nous bats dans d'autres. Ça vient tout le temps à ça. C'est un principe qu'on retrouve également en entraînement classique chez les athlètes. On peut l'appliquer encore là avec les traumatismes. Les réponses sont variables chez les individus. Le principe de périodisation. Qu'est-ce que le principe de périodisation? C'est enchaîner des cycles d'entraînement. Donc là, on va mettre dans quelque chose de relativement drôle, mais on pourrait appliquer des cycles de traumatisme. Entrecoupé de cycles de récupération pour pouvoir se permettre de s'adapter à ces traumatismes-là. Donc, ça serait faisable. Et finalement, c'est qu'il y a une nécessité d'avoir un entraîneur derrière tout ça. Donc, quelqu'un qui nous guide dans tout ce processus-là d'entraînement, qui va nous agir un peu comme mentor, qui va agir comme personne clé, qui va nous permettre de développer ces capacités-là. Donc justement, c'est d'avoir quelqu'un qui va agir un peu comme un mentor, un entraîneur. Donc, tout ça pour dire que, dans le fond, les traumatismes, et c'est là la conclusion de l'article, mais également la conclusion de ma charmante chronique, c'est simplement que les traumatismes dans la route vers le succès, ils sont cruciaux. Ils sont non seulement souhaitables, mais ils sont nécessaires parce que c'est ça qui nous permet, en bout de ligne, de le connaître. Donc là, ici, on met tout ça en contexte avec notre charmante fin de session à nous, les étudiants. Oui, il faut que tu plantes un examen. Pas nécessairement que tu plantes un examen, mais il faut que tu t'en arraches. Faut que tu trouves ça dur parce que finalement, en bout de ligne, quand tu vas être rendu sur le marché du travail, quand tu vas être rendu dans la vraie vie, quand tu vas plus tard être confronté à d'autres situations, c'est ces moments durs-là qui vont faire que tu vas, en bout de ligne, persévérer et que tu vas, en bout de ligne, réussir ou que tu vas, au contraire, échouer. Parce que tu n'as pas fait ta job au bon moment. Ça revient, grosso modo, à dire ça. Ça revient à dire également que la peur de l'échec, donc ceux-là qui sont perfectionnistes et qui ont peur d'échouer tout le temps, c'est improductif parce que, en ayant peur de l'échec et en ne s'exposant pas à l'échec, ou à la possibilité d'échec plutôt, ben on va finalement développer un peu on va être improductif parce qu'on développera jamais en bout de ligne ce qu'on aurait dû développer. Ici, par peur de l'échec, j'ai une peur négative où justement on s'éloigne. Il y a une peur positive où la fébrilité. Ouais, et voilà, où on va être stressé face à une situation, mais on va se lancer dedans pareil et quand même essayer de faire les choses d'une bonne manière pareil. Donc, dans le fond, ça revient à dire que tout ce qui est les traumatismes, c'est tout simplement l'école de la vie. Donc, la fameuse école de la vie. Je disais que ça allait être bourré de lieux communs. N'ayez pas peur de vous casser la gueule dans la vie. Ça revient à dire ça, effectivement. Je prends un exemple avec moi. C'est pas toutes mes chroniques qui sont tout le temps super très bonne, mais mon Dieu, j'essaye tout le temps et j'essaye de cheminer à travers de tout ça et de m'améliorer. Mais j'ai jamais eu de formation ni rien et je le fais quand même. Donc, c'est un bon exemple de justement se mettre dans une situation où l'échec est probable, mais où l'échec, le traumatisme est probable, mais que tu le fais pareil de façon très très volontaire. C'est un excellent exemple. T'es sévère envers toi-même et on doit te revenir là-dessus en disant que... Oh, on reviendra à faire. Tu ne mérites que des compliments. Oh, non, mon Dieu. Donc, en fond, l'important, c'est de cheminer. C'est d'être dans un processus de démarche réflexive. Et je vais terminer le tout avec une belle petite citation que, malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver l'auteur. C'était dans mes carnets de notes, mais c'était pas... J'ai pas noté c'est qui a dit ça. Donc, je vais juste la dire. C'est correct, la prochaine fois, tu vas le noter. Effectivement. Il s'améliore. Je parlais d'amélioration continue. Et voilà. Donc, la citation va comme suit. Mais c'est peut-être là le début de la liberté, se tromper, savoir exactement pourquoi et comment, mais le faire quand même. Prendre goût à ces chemins tortueux et à l'envie de se perdre. Mm-hmm. Donc, ça revient exactement à ça, c'est prendre le goût à se mettre dans une situation où on va peut-être se tromper, on va peut-être avoir tort, mais quand même l'accepter et assumer pleinement cette chose-là, cette charge-là. Si on veut. Et c'est ce que je souhaite à tous les étudiants en ce moment avec la fin de session, mais également avec l'été qui arrive éventuellement. Ça arrive à grands pas. Cherchez ces situations-là où vous allez vous mettre dans une situation de possible échec ou de possible adversité, parce que c'est vraiment ça qui fait que, dans le fond, on vit, qu'on est humain, qu'en bout de ligne, on ne regrette pas. C'est la chose à retenir et vraiment, je suis tellement d'accord avec toi. Juste, tu parlais de ta chronique, mais nous aussi, à l'émission, en janvier passé, on a fait janvier pic, on a essayé un paquet de chroniques. Il y en a qui sont pas revenus nécessairement. Il y a des échecs là-dedans, t'essaies des nouvelles choses, parce que si t'essayes rien et que tu fais tout le temps la même chose, effectivement, tu es blasé, tu stagnes, et c'est plat. Et c'est plat. Un nouveau co-animateur. Un nouveau co-animateur. Imagine, j'ai tué l'autre pour avoir un nouveau co-animateur. C'est pas vrai! Pauvre François-Olivier! Donc, essayer des nouvelles choses, c'est la chose à retenir. D'unefoulée-à-l'autre.com est ton site web? Effectivement, d'unefoulée-à-l'autre.com, page Facebook d'unefoulée-à-l'autre. Voilà. Dernier zone campus de la session qui vient de sortir. Effectivement, c'est triste. Oui, tout à fait. C'est triste. Ta dernière chronique. C'est ma dernière chronique que on parlait de démarches d'amélioration continue. Des fois, il faut goûter à des choses dans la vie et peut-être se péter la gueule. Je pense que Zone Campus a été, en mon cas, exactement ça. Parce que quand j'ai commencé ça, moi, j'avais aucune foutue idée de ce que j'allais faire avec ça ou du succès que j'allais peut-être connaître ou ne pas connaître. Ah, tu l'as le succès, tout le monde parle à toi. Non, ce que je me dis aussi. Calme-toi. Maxime Bilodeau, de foulée à l'autre, de retour la semaine prochaine, jeudi à 7h30. Sans faute, messieurs. Bonne semaine à vous. À toi aussi. Bonne journée. Alors, on va terminer l'heure ici, Jean-Philippe. Le temps d'accueillir Anne-Julie Durocher. Sa chronique L'Index dans quelques minutes. Et puis, c'est aussi en revenant qu'on dévoile... C'est qui? Soyez caché. Soyez caché. Tape des mains. C'est dans quelques minutes qu'on va savoir qui va jouer ce soir. À la chasse-galerie. À la chasse-galerie. On ressemble à une gang de morses. Pour l'instant, c'est l'Info Campus. C'est fou de la musique. C'est fou 89.1. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. C'est la deuxième heure d'Assemblage Rocky en ce jeudi 18 avril 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Et il est 8h05 du matin. 5 minutes en retard, mais c'est à 8h qu'on avait dit qu'on annonçait les gens qui vont jouer au soir caché. On dit pas tout de suite le nom. Non. Est-ce qu'on dit les indices qu'on dit jusqu'à maintenant? Ben, on pourrait faire une. On pourrait jaser. C'est quand on jase. On jase entre nous. Okay. Mathieu, t'es au courant un peu du concept, mais peut-être que l'auditeur averti qui l'auditeur est en moyen. Ça, c'est ceux qui savent que l'émission existe, premièrement. Oui, premièrement. Donc, qui nous écoutent en ce moment. Ou peut-être qu'ils sont fans des soirées cachées, peut-être. Et qui ont vu que ça allait être annoncé à l'émission du matin à Saint-Bachery. Et voilà, donc c'est ça, le concept des soirées cachées est en fait d'avoir un spectacle dans un lieu, je dirais inusité, ou un lieu de l'université. un endroit, ouais, et c'est ça, ça, dans l'université, et puis peu importe l'endroit qu'il est. Donc, on a déjà eu, on a Fanny Bloom la dernière fois. Sur la passerelle. On a eu Olinéa dans un hall d'entrée au Pierre Boucher. Oui. T'as eu la petite chapelle dans le temps. Dans le temps, ça c'était l'année passée. Oui. Tu vis dans le passé. Merci. Et puis, on est rendu à la dernière soirée cachée de la session. Évidemment, la session tire à sa fin. On va être retour à l'automne. C'est la sixième à vie. Et puis, dans le fond, on a dévoilé, chaque jour de la semaine, on a dévoilé un groupe. On a dévoilé des détails sur la soirée. sur la soirée de ce soir, qui est le 20. On est le 20. Hein? Non, on 18. Est le 18, je te dirais. Je ne veux pas te contredire. Je me suis trompé avec l'autre. La date n'est pas un secret, par exemple. Non, c'est ça. Donc, c'est aujourd'hui, le 18. Et puis, on a dévoilé que c'était à la Chasse-Galerie. D'entrée de jeu à l'émission. C'est quand même c'est un peu moins original qu'ailleurs, mais c'est une belle place pour faire un show quand même. Oui, puis on a un concept aussi un peu différent. Ouais. C'est sûr que bon, il y a une structure à Chasse-Galerie. Évidemment, on peut pas se mettre devant les speakers, mais on va voir. On joue derrière le bar. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça. C'est les gens qui servent les serveurs. C'est une bonne idée. Donc c'est à la Chasse-Galerie, mais on a des petites surprises pour vous. Là, ça sera pas un show classique, si on veut, à la Chasse-Galerie. On a le pichet de bière qui sera en spécial à 9,50 toute la soirée. Pas cher, ça. Donc, pour profiter d'un show, on a... Là, je m'en allais dire un détail, mais avant, première partie, oui. Assurée par le groupe de Jean-François Veilleux et Daniel H. Dubois. Dubois? Je pense que c'est Dubois. Là, je me mélange. Daniel H. On l'a reçu cette émission. T'as très raison. Ils ont joué à 8h en spectacle. Excellent groupe. D'ailleurs, ils jouaient des petites pièces, le genre d'une minute, la chanson thème de Tetris au violon. Exactement. Donc, nous, comme ils ont gagné 8h en spectacle, on leur a demandé de refaire cette prestation-là. Donc, si vous l'avez raté, c'est vraiment le bon moment d'aller le voir. Et ils vont complémentariser. Ils vont se donner des compliments l'un l'autre. Ben oui, ils vont se complémentariser, c'est ça, comme faire « Aïe, tu joues vraiment bien du violon. » Sinon, ils vont se complaire, ils vont faire comme « Ah, on est même pas bon. » Donc, ils vont se compléter. Ils vont compléter leur segment avec des nouvelles, pas des nouvelles créations, mais des choses qu'on n'a jamais entendues, donc des choses inédites. Génial. Donc, on se voit-tu pour des petits... Des indices? OK, on y va. Moi, j'allais te dire que le pichet de bière à 9,50, okay, allait parfaitement fitter avec un show rock. Rock, donc c'est rock, ça va bouger. Rock and basic, comme on dit. Ouais, j'attends à 3h devant le rock and basic. Le rock and basic, parfait. Okay. Ou dans le rock and closet, là, le garde-robe où tu mets tes fruits. Ouais, en mangeant un rap. Un rap. Ce sera pas un show de rap. Donc, indice numéro 2, pas un show de rap. C'est pas un show de rap. Okay. Donc, je te dirais aussi qu'ils sont dans le palmarès francophone depuis un petit bout. Il n'y a plus de feuilles du palmarès depuis le début de la semaine. Où sont-elles? Je sais pas. Non, là, je peux pas te dire. Je dirais, ils sont dans le palmarès francophone. Rock, c'est pas les Sœurs Boulées? Non. OK, ça m'arrive sur un deuxième troisième indice, dis-je. Duo. C'est un duo. Donc, encore une fois, les Sœurs Boulées. Oh non, on arrête non. Ça. Okay. Duo, je dirais... C'est un duo de gars. OK. Ponctuation. Ah, c'est bien. Rock de garage. C'est bien passé. Bom, bom, bom. Non. Non. Mais t'es pas loin. Ils ont sorti un vidéoclip récemment. OK. Une chanson qui s'appelle Paul. Qui est dans le palmarès francophone. Attends un peu. Paul. Paul Piché. Non. Non. Paul. Paul et Paul. Non. Léopold Lauzon. Non. Faut-tu que je t'arrête ou... je suis comme plus là. Je te vois cliquer les doigts et t'as l'air allumé là-dessus. J'en ai pas d'autre que c'est trop. Bon, bien. Ben non. Écoute, c'est Rouge Pompier. Ah! Voilà! Tu l'as dit. Tu l'as dit. Sans même qu'on fait jouer la chanson ou qu'ils disent leur nom pour le faire deviner. Non. Ah, ben écoute, tu n'avais pas dit ça. Non, je sais bien. Peut-être que t'es parti chercher un café. Ah! Oh! Mais je suis revenu à mais c'est sûr que c'est pas Léopold Lauzon. Ah oui, c'est Léopold Lauzon. C'est Léopold Lauzon. OK. Donc, écoutez, on vous dit pas tout de suite c'est qui. OK, parfait. On écoute la chanson pour savoir c'est qui. Ils disent leur nom dedans, fait attention. Écoutez, ouvrez bien l'oreille. On se reprendra. On la fera à la reprise. Cool. On coupe ce bout-là. Ouais. Pompier! Hein? Alors, écoute... Ben débile. Ouais. Tellement bon. Et que c'est bon, Rouge Pompier, et qu'ils vont être en spectacle là, ce soir, dans le cadre des soirées cachées, c'est fou. Oui, merveilleuse soirée cachée, c'est fou, une fois par mois. C'est la dernière de la session. C'était à la Chasse-Galerie, 23h. Ben, écoute, 22h. Il faut comprendre, théoriquement, on l'a annoncé à 22h. Ouais. Ce qui arrive, c'est que la Chasse-Galerie a déjà une petite prestation juste avant nous. Donc, comme on a du matériel à installer, les gens peuvent venir vers 22h. On va être là pour les accueillir, évidemment. Et puis, évidemment, c'est gratuit. Hein, pas de billets à acheter, quoi que ce soit. Vous venez ici, vous venez en profiter. On va avoir du fun. Et puis, donc, juste le temps qu'on s'installe, il va y avoir une petite transition. Donc, ça devrait être entre les 22h30. OK. Peut-être... c'est pas 22h30. Super, quand même. Non, c'est ça. Donc, venez nous voir. On va avoir du fun. C'est superbe. Vous entendez derrière nous la chanson thème de la chronique Il était deux fois. Et ça nous amène à justement passer à l'intro parce qu'on va se gâter un peu avec Rouge Pompier. Voici Il était deux fois. Ah, c'est bon. Si deux fois parce que dans notre monde, il y a deux lois. Tu y adhères ou pas encore, là, t'as deux choix. Pense-y deux fois parce que dans notre monde, il y a deux lois. Le concept, c'est de le faire deux fois. Peu importe. Je pense que c'est inévitable de jouer plusieurs pièces de Rouge Pompier en ce moment. Et comme on a déjà joué une pièce avant, elle compte pas. Oh! Parce que là, on commence le bloc. Ça commence! Hein? Ah, c'est beau, ça. Donc, on va entendre leur pièce qui s'appelle Paquet de choses. Ah, oh, c'est très bon, ça. T'entends dessus? Ah, oh, j'ai vraiment... On écoute des pièces du palmarès. Donc, Paquet de choses, puis après ça... Colin. Vas-y avec Paul. Ouais. Mais Paul, ça te tentait-tu? OK, non, c'est bon, j'aime ça. Paul ou bon. Anderval? Ben, j'essaie de choisir. Genre, ils sont tous très, très bons. Est-ce qu'on met Anderval? Est-ce qu'on met Château de Sable dans le palmarès en ce moment? Paquet de choses. Paul, faudrait mettre Paul parce que c'est une demande spéciale de ta part, donc on n'a pas le choix. Et l'autre, quoi? Est-ce qu'elle est dans le palmarès, Paul? Non, c'est pas grave. Non? Oublie ce que t'as. Écoute, Paul, moi, je l'aime beaucoup parce que c'est une chanson. En fait, vous aurez l'occasion de l'entendre et à la radio et live, évidemment. C'est une chanson qui est quand même... les paroles sont très tristes avec un air extrêmement heureux. Okay. Donc, c'est un beau contraste. Je l'aime bien. Je trouve que le beat est excellent. Donc, On va commencer avec elle. On commence avec Paul. Paul. Écoutez ça. Rouge Pompier, Assemblage Rock. Un tuyau coincé dans la fenêtre. L'autre bout dans l'échappement. La porte de garage bien fermée. Celle de la maison également. Qu'est-ce que tu fais là? Cher Paul, aimable, sportif, sens de l'humour, dépendant au jeu du hasard. Le casino, il connaissait ça. C'était vraiment lui le meilleur pour pouvoir prédire si la machine paierait ou pas. Sauf cette fois-là. Dommage. Maintenant que tu es en retraite forcée, laisse-nous te saluer. Toi, tes amis, tes enfants et ta femme, qui as-tu s'exprimer avec les bons mots en te trouvant? paquet de choses et Rouge Pompier qui sera là ce soir à Chasse Galerie. Oui, pour les soirées cachées, c'est fou, du mois d'avril, la dernière de la session de l'année scolaire, en fait. Ah oh ouais? Oui, soyez-y, 22h. Galerie. Oui, avec un petit 15-20 minutes là, de nous laisser le temps de s'installer. Ça paraîtra pas, les shows commencent jamais à l'heure. Fait quand tu dis 10h, ça veut dire de toute façon plus tard. Voilà. Voilà. Donc, c'était aussi le bloc qui était deux fois parce qu'on a entendu deux pièces. Ça, c'était pas quelque chose. Et avant, c'était Paul. Oui. Maintenant, on passe à la chronique de l'AGEQTR. Chronique que j'ai tout le temps la misère à dire ce mot-là, trop de lettres en même temps. Jasmine Raymond-Rainville m'inspire tout le temps une chanson. Et, la même. Comment? Tout le temps la même. Tout le temps la même chanson, mais je chante tout le temps sur le même ton. Je vais juste me pratiquer un peu. Parce que des fois, la gorge. Hein. Oh, quand même. Je vois un brownie ici. Ça me donnerait une super belle voix, ça, un brownie de même. Hein? Tu me laisses-tu juste prendre ma flûte? OK. Ah, sors ta flûte. Oh, ouais, OK, je suis prêt. AGEQTR, AGEQTR, peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGEQTR parce que l'AGEQTR, ça n'a pas d'âge. Yo, pro. Wow, est-ce que c'était toi qui faisais le triangle aussi et la flûte et le... Ouais, moi, je suis le percussionniste. Mais non, c'est moi la tambourine. Oh! Ça vient tout de faire les mains. Mais non, mais c'est parce qu'on était assis à côté de l'autre, là, donc c'est moi qui la tenais, mais c'est lui qui me donnait des coups de coude dessus. Ouais. François Landry, il fait quoi, lui? Il regarde puis il fait comme... Moi, je fais un verre derrière. Donc, on accueille évidemment François Landry et Jasmine Raymond-Réville en même temps. Salut! Et c'est la chronique, bonjour, de la GEQTR. Actualités, activités qui s'en viennent pour les prochains jours. C'est bientôt la fin de la session, donc... Ça arrive! Ça en vient rapidement. Oui, très bientôt. On commence avec quoi? On commence avec ce soir. Tonight is the night. Ouais. Donc, ce soir, parce que comme vous savez, on va avoir un nouveau pavillon à la vie étudiante là, qui est en train d'être construit. Puis c'est pour ça que quand on veut rentrer par ici, en fait, on passe dans un chemin de boîte sans fin. Oui, avec du contreplaqué dessus. Au moins, avant, il n'y avait rien. Une chance qu'il y a ça. C'est ça. Donc, voilà. Donc, on va avoir un pavillon. Puis, en fait, comme c'est le pavillon à la vie étudiante, les associations étudiantes qui sont présentement dans un lointain sous-sol sans fenêtre, au Pierre Boucher, vont déménager là. Puis, pour attribuer les locaux, en fait, qui vont tous être de même grandeur, en fait, là, mais pour les attribuer, ce soir, on va faire une espèce de soirée d'activité, jeux. C'est comme un fort boyard pour gagner sa pièce. Ben, quasiment. Okay. Ben, en moins extrême, là, faut pas pitcher dans l'eau pour aller ramasser. Faut pas sauter dans l'eau pour aller ramasser un porte-clés. Pas de parfoura, quoi que c'est au 10-12, donc il va y avoir de la foule. Bon, OK, fait que. Y a-tu des nains? Pour savoir combien de local, t'as. Qui comptait tout le temps. Mais là, on voit pas, on est à la radio, mais tu comptais tout le temps d'une manière bizarre. Avec le pouce, tout le temps. Avec le pouce. C'est ça. Puis Marcelle Etouga est morte. Fait que, oui, mais t'es là. Ça va là. Donc, c'est ça. En fait, ça commence à 19h au 10-12. Tout le monde est invité à venir assister à ça. En fait, ça va être divers kiosques là, à différentes tables où il va y avoir... j'ai de la misère à aligner mes mots matin. J'essaie de t'aider. Il va y avoir... plusieurs tables, et sur chacune des tables, il va y avoir une différente activité. OK. C'est ça. Donc, il va y avoir une... Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Pour ramasser des points, puis avec les points, on va attribuer les locaux. Et dans le fond, la position numéro 1, on va pouvoir choisir son local en premier. Ça. D'accord. En tu peux prendre le coin si tu veux, tu prends celle à côté de la toilette, si t'aimes ça. C'est ça. Si t'as tout le temps envie, ben, tu c'est prends ça. Celle proche de la toilette. Si tu veux aller boire du café plus, tu prends celle parce que ça va te prendre moins de temps pour aller à la chasse. Oui. Mais c'est important quand même comme soirée parce qu'une fois que ça va déterminer, ce local-là va leur appartenir, j'imagine, définitivement. Donc, peu importe qui va changer dans ce comité-là, ça va être dorénavant le local. Ben, c'est présentement au Pierre Boucher, en fait. Au Pierre Boucher, tous les locaux sont lettres, sauf que les assos restent tous dans le même local. Là, sauf si tu te sers pas assez de ton local et tu te fais sacrer dehors. Ouais. C'est arrivé, ça. Ah, bon, en tout cas. Ouais. Donc. Aux zones campus, c'est arrivé. Ah, ouais. Bon. En tout cas, ça commence ce soir à 19h au 10-12. Puis chaque association est invitée à fournir un bénévole qui doit arriver à 18h30. Ce bénévole-là ou cette bénévole-là va. Être celui ou celle qui va participer aux différentes activités. Okay. À chaque table, c'est... Ben en fait, c'est une personne par asso, une personne par activité. Ouais. T'en plein ça. Il va y avoir de la bière et de la saucisse qui vont être servies gratuitement. Fait que venez donc. Venez donc. Ça commence à 7h. Donc, on peut venir encourager tout le monde. Il faut, là. C'est pas un one-on-one. Non, dans le fond, tout le monde est invité à venir assister. Puis là, remplissez le 10-12. C'est une très bonne idée. J'ai lu dans un campus, encore oui. pas, qu'il y a un nombre limité de locaux par rapport au nombre d'associations. Est-ce que tu peux me renseigner là-dessus? Je pense qu'il y a une de deux associations qui vont devoir se partage. Je peux même pas te renseigner là-dessus parce que, en fait, c'est pas moi qui suis en charge du dossier. Puis ça évolue quand même rapidement. Okay. Là, donc, je crois que c'est l'histoire et la géographie qui vont vivre ensemble, quelque chose comme ça. Bref. En tout cas, je reviendrai avec des détails là-dessus parce que, bon, honnêtement, tu me l'apprends. C'est en page 2. Parce que j'ai pas encore lu le zone, puis c'est ça. C'est pas grave. Puis en fait, je t'en veux pas. Non, c'est ça, mais je suis pas tout le temps au courant du dossier parce qu'il y a vraiment des développements. Il y a quelque chose rapidement parce que ça arrive de toute façon. Ça arrive assez rapidement, donc voilà. Parfait. Donc ce soir, 19h, 10-12. Oui. Voilà. Ça commence à 18h30 pour les bénévoles. OK, parfait. Pas les bénévoles, les participants. Celui qui va récolter les points. C'est en plein ça. Donc vous fournissez une personne qui arrive à 18h30, sinon vous venez vous bourrer la face de bière et de saucisse à 7h. Good. Puis quelle belle façon de finir la soirée après ça à chasse. Ben oui, c'est des soirées cachées juste après. Puisqu'on s'est arrangé avec justement la GE pour essayer de regrouper notre monde le plus possible. Est-ce que le groupe est annoncé? Oui, on vient juste. Et c'est qui? C'est Rouge Pompier. Moi, je les connais pas. Ah, ben ça. T'as raté les trois pièces qu'on vient de jouer. C'est vrai? Ouais, parce que j'ai entendu le nom souvent. Fait que je vais être là. Ah, cool. Ouais. Ça va être très, très bon. Voilà. Voilà. Super. Donc, c'est ça pour ce soir. Oui. Sinon, dimanche, en fait, le dimanche 21 avril, là, il va y avoir une marche pour le jour de la Terre à Montréal. Ça commence à 14h à la place des festivals, là, où tout commence tout le temps, en fait. Là. Puis en fait, on s'en fout, ça commence parce qu'on vous fournit les autobus. Encore une fois. Vous pas à vous casser la tête pour vous stationner parce que vous allez venir en autobus avec nous. C'est excellent, ça. Donc, on se présente où? En fait, faut que vous veniez... Vous avez jusqu'aujourd'hui à 18h pour venir à la GE, inscrire votre nom sur la petite feuille. Mm-hmm. Sinon, vous écrivez un courriel à Anne-Julie Durocher, qui est la vice-présidente aux affaires sociopolitiques. Vous lui écrivez un courriel à l'adresse vpsociopo. Donc, vpsociopo.age@commercialuqtr.ca. Puis, inscrivez comme titre de courriel Participation à la marche pour la Terre. Puis, elle va savoir que c'est ça. Donc, vous pouvez vous inscrire là aussi si vous ne pouvez pas vous déplacer. Nous, dès qu'on a 40 noms, on fournit, on va réserver un bus pour aller à Montréal. Et évidemment, ceux qui ne savent pas, les bureaux de la GIE sont où? Ils sont à droite de la chasse galerie. Voilà. À côté du petit guichet ATM. Oui. Et oui. Et voilà. Des toilettes en construction. Qui ont plus de portes. Aussi. Oui, aussi. Toilettes des filles, plus de portes. Pas grave, ça. Voilà. Pas besoin. C'est public, ça. Oui. À quand les toilettes unisexes? Hein? Ouais, oui. C'est ça. Voilà. C'est ça. Fait que, venez donc. Oui. Je suis sûr qu'il va faire beau. Jour de la Terre. La date, c'est quand? Dimanche. 21 avril. Ça sent bien. Merveilleux. Oui, puis en fait, j'imagine que l'heure de départ va être autour de 11h30. C'est pas mal tout le temps, ça, là, qu'on a comme heure de départ quand on a des manifs à Montréal qui commencent pas mal tout le temps à 14h aussi. L'an dernier, il faut pas oublier, il y avait eu 300 000 personnes qui avaient participé. Ouais. C'était la plus grosse manifestation dans l'histoire du Canada, pas juste du Québec, du Canada. Alors, c'était fou. C'était fou. Ça veut battre ça. Ben, on a, je sais pas si tu te rappelles, je parle à tout le monde, mais Mathieu, les photos qui ont sorti de ça, il avait fait des photos oui, un arbre, un pseudo-arbre. Mm-hmm. Donc, vous pourriez faire partie du prochain arbre. Vrai. Mm-hmm. Ouais. Soyez donc là. Good. Ouais. C'est ça. Merci. Puis sinon, attends, c'est pas fini. Non, mais là, c'est parce que tu me dis c'est ça. C'est fini pour ce sujet-là. C'est fini pour ce sujet-là. OK. Next. On se fera un code. Oui, c'est ça. Donc, il y a pas mal dans mes dernières claque chroniques. Claque d'en face. C'est ça. aussi, je vous en avais parlé, je pense, pas la semaine passée parce que... T'es pas là. Parce que je suis pas là. Mais il reste encore 2 postes vacants là, dans le prochain conseil exécutif qui va entrer en poste le 1er mai. Il reste le poste de vice-présidence aux affaires socio-culturelles, puis le poste de vice-présidence aux affaires académiques des cycles supérieurs. Donc ça, c'est des postes qui sont restés vacants là, suite aux élections générales parce qu'il n'y avait pas eu de candidat, en fait. Donc, les postes sont ouverts jusqu'à mardi prochain, donc le mardi 23 avril à 13h. Ce que vous devez faire, vous vous présentez au bureau de la GE pour prendre les formulaires nécessaires. Il y a notre gentille adjointe administrative ou un officier ou une officière qui va vous dire, qui sont aussi gentils, là, qui vont vous dire quel formulaire faut prendre. C'est ça, en fait, vous avez 60 signatures à recueillir, vous avez votre horaire d'école à fournir aussi pour montrer que vous êtes étudiant, puis 2 politiques à signer. Puis l'élection va se faire en conseil d'administration le 28 avril prochain. C'est un dimanche et ça commence à 17h. Parfait. C'est ça. Fait que présentez-vous. C'est ça. Point. C'est ça, voulant dire fin de la... C'est fini. OK. Donc, c'est ça qui est ça. C'est ça qui... Ici. Ouais. Okay. On fait ça. Quand je dis c'est ça, c'est la fin du sujet. C'est ça qui est ça, c'est la fin. Fin. C'est correct? T'es fine, Jasmine. Ben, t'es drôle. Toi aussi, t'es fine, Mathieu. Merci. donc, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Pour une chronique de la GUQTR à 8h15. Ça va être... Si c'était ta dernière aujourd'hui, merci pour la session. Non, je vais être là. On sait jamais si tu vas être là ou pas. Ben, je vais être là. OK. Je vous jure, François, il me texte le matin pour me dire, hey, oublie pas. Une chance, t'es là, François. Une chance, je suis là. Une chance. Quand même. Il s'est passé les semaines de tes bonheurs de bord. Ah, okay. Non, merci, Jasmine. Pour vrai. Ça fait plaisir. On t'apprécie pour vrai, là. Parce que là, j'ai l'air d'être comme fake en disant, tu sais, t'es jamais là. Mais finalement, je t'ai fine. Ouais. Mais t'es fine pour vrai. Mais je vais être là la semaine prochaine. Pour me leur dire encore. Merci. on va en pause. OK. Hein? tu m'as foudroyé du regard. OK, ben laisse faire, on va aller en musique. On s'en va entendre Tao and the Get Down, Stay Down. Bon, d'accord. Puis après ça, pause, après ça, François Landry. Je vais pas te brusquer de même, moi, là, attends un peu. Là, ah, tu me brusques pas, t'es fine. T'es ensemble avec qui je connais pas. Parler que ça on nous en fait. Lors de l'émission, on avait Simon Fitzbay qui va être là pour sa chronique Fitzbeat. Ensuite, on aura les arts et spectacles avec Alexandra Carignan et les arts de culture. C'est le plan en général pour l'émission lundi, sûrement d'autres choses aussi. On va voir. Un retour s'asseoir caché. Ben oui. Ben, tant qu'à t'improviser une émission, toi, on va te faire ça. Hey, on va te faire ça. Facile, cool. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur les ondes de Sifu, vous écoutez Assemblage requis et vous aimez ça. J'ai réussi tous mes plans de demain depuis le début de la session, sauf peut-être 2-3. Ouais, puis il y en avait 2 cette semaine. De suite. Toujours Assemblage requis, il est 8h36, Jean-Philippe Charbonneau. Mathieu Plante. Jasmine Raymond-Dréville est toujours là aussi. François Landry. Ah. Yeah! Le goût crassé 101. Ça a arrêté vite, je trouve. Là. Ça, mais... S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. François Landry, s'il te plaît, ne fais pas comme moi et ne botche pas ta chronique aujourd'hui parce que c'est dans les dernières, là, hein? Ouais. Tu fais ça meilleur que moi, là. Toujours. Toujours. C'est mon critère de qualité, c'est ça? J'essaie de m'entourer de gens qui vont complémenter ou complémentariser, comme tu disais. Complémentariser, Jean-Philippe. Un grand homme. C'est ça. Mon niveau, mon calibre bas. Donc aujourd'hui, on parle de la Trudeau-manie. La Trudeau-manie, la suite. J'ai dit que je botcherais ça. je peux botcher, si tu veux, c'est Trudeau quand même. Trudeau. Non, mais ben, parce que dimanche passé, je vous avais donné un petit devoir, les garçons. Bien, mon Dieu. Ah, on n'avait pas jusqu'à midi? Est-ce que je peux avoir une extension? Non, parce que c'était dimanche soir qu'on connaissait le nom, enfin le nom de celui qui va diriger les troupes libérales au Canada. Donc, vous ne pouvez pas, comme le demande Jean-Philippe, une extension parce que tout le monde le savait avant même la fin du résultat. Mm-hmm. Donc, c'est chose faite, Justin Trudeau, le fils de, est rendu chef du Parti libéral du Canada, tout comme son père le fait 40 ans auparavant, quasiment jour pour jour. Donc, ah oui? Oh, c'était quasiment un scénario de Steven Spielberg pour les pauvres, pour le Parti libéral. Ou George Bush, mais pas avec les dates. Oui, c'est ça. T'as pas la même chose? Parent ouais. Fils, hein? Ah, okay. S'il est beau. Hein? Ah, on a invité en studio. Non, Jean-Philippe, il est avec nous. Il nous a trouvé une photo, Jean-Philippe, de Justin Trudeau, où il a l'air étrangement de Ben Maroney, l'animateur de genre Canadian Idol. Ouais, ben, au moins, il a une face sympathique. C'est vrai? Oui, il a l'air... il est pas juste le fils de... Il est quand même gentil. Donc, Justin Trudeau, ou Justin... On avait Justin Bieber, là, maintenant on a Justin Trudeau, a remporté une victoire décisive au tout premier tour de scrutin, récoltant pas moins de 80% des 30 000 points possibles. On s'entend qu'en Irak, Saddam Hussein, dans le temps, gagnait à peu près 90-99% des voix, puis là, Justin Trudeau, 80. On s'entend que ça ressemble pas mal. Hein? Ouais. Hein? Il y a à peu près 2-3 points de différence, là. Donc, pour gagner, un candidat devait donc amasser au moins 15 401 points. Trudeau, il en a gagné 80% de ça. Donc, il a récolté 24 668 points. Je ne parle pas de vote ici, je parle de points. Je vais vous expliquer plus tard le système compliqué qu'ils ont fait. Il y a des valeurs de points dépendant de la personne qui vote, j'imagine? De l'endroit où tu vis. OK. Ouais. Ça a l'air que dans une région, tu as plus de points que si tu habites dans une ville. Par rapport au nombre d'habitants? Ouais. Okay. Ben, pas d'habitants, mais de représentation électorale. Donc, il a terminé loin devant sa plus proche rivale, Joyce Murray. T'sais, tout le monde la connaît. C'était quand même... C'est une grosse vedette là, hein, chez elle. Sarcastiquement parlant, Joyce Murray, on dirait une météorologiste. Ses enfants connaissaient son nom, tu sais. C'est ça. On rejoint Joyce Murray à la météo? Non. Alors, oui, elle a eu 3130 points, donc à peine 10%. Martha Ann Finlay, la seule autre que je connaissais, pas personnellement, mais professionnellement, est arrivée troisième avec 1700 points, 6% des votes. Et notre cher Martin Cochon, le seul autre Québécois qui restait après le dégagement de Marc Garneau. Martin Cochon, on croyait que c'était pour être le plus proche rival, mais il a terminé, pauvre chouette, avec 3% des votes. 815 points, il a fini. J'ai fini avec du bacon. Avant-dernier, donc troisième dernier. Dans l'autre sens, il était sur le podium des perdants. donc, Justin Trudeau, gagnant. On s'était dit, regardez bien la réaction du Parti conservateur. Tout le monde s'attendait à... Parce que je vous avais fait une chronique déjà que le Parti conservateur a peur de Justin Trudeau. Non pas de lui, de ses compétences, parce que selon le Parti conservateur, il n'y a pas de compétences. Mais il a peur que le monde déteste tellement Justin Trudeau qu'ils vont aller voter nouveau Parti démocratique. Mm-hmm. Sans le socialisme dedans, parce que ça pourrait faire l'objet de notre chronique. Mais ouais. Donc, ils ont dit, il est tellement pourri qu'ils vont faire augmenter le vote de l'autre bord. Mais j'étais vraiment sous l'impression, moi, qu'il était tellement charismatique. Tu me dis qu'il est super bête ou qu'il rit tout le temps pour rien, mais il avait l'air fin, je trouvais, non? Justin? Ouais, non? Ben, peut-être juste regarder les mauvaises vidéos. Ouais. Charismatique et en chambre. Si vous regardez sa performance de lundi passé, entre ça et faire un exposé oral devant une classe de 30 personnes quand t'étais au primaire, t'as le même shakeage, même stress. Donc lui, un homme politique d'expérience qui a une grande tradition familiale de discoureur, il faisait pas pitié, mais c'était comme décevant sa performance. Il en shakeait. J'espère qu'il a pas fait des petites gouttes nerveuses. Non, mais il a été obligé de Trudeau, comme on appelle. Il était obligé de recommencer trois fois son discours parce qu'il butait à chaque début de phrase. Donc, il était extrêmement nerveux. Et pour cause, parce que le Parti conservateur l'attendait avec des briques, des fanales et surtout trois publicités négatives. Ah oui. Hein, on est habitué avec le Parti conservateur ces dernières années d'avoir, non pas une publicité pour se revamper, mais pour écraser l'autre. Quand tu peux plus monter, tu écrases l'autre pour être sûr d'être plus haut que lui. Belle technique. La belle technique. Donc, il a lancé lundi, comme promis, les hostilités publicitaires contre le nouveau chef du PLC, avec une utilisation péjorative d'un striptease de Justin Trudeau. Ouais. Donc, je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, ouais, mais tu te demandes qu'est-ce qu'il fait là, Justin Trudeau. Il est en train de se déshabiller langoureusement. Mais en fait, il enlève sa chemise. Il est presque excitant. Mais c'est genre du montage vidéo, là, évidemment. Là. C'est quoi, ils ont mis sa tête sur quelqu'un. Ils ont là. Du montage, mais pas tant que ça, Mathieu. Ils ont juste joué avec les images qu'il y avait. Ah! Parce que c'est deux publicités en anglais, une en français, qui ont été lancées sur Internet seulement avec le thème « Il n'est pas à la hauteur ». Justin Overhead, en anglais. OK. Donc, dans la première, on voit M. Trudeau, très racoleur, portant une moustache de mousquetaire et effectuant un semblant d'effeuillage. Donc, le terme français pour striptease, striptease hein, bien. Et qui se termine sur une camisole coton blanc. Bon, jusque-là, il est propre. Ouais. Le tout sur une musique de Fête foraine. La séance est entrecoupée de citations de Trudeau, dans laquelle il affirme que les Québécois sont meilleurs que le reste du Canada. Là, il est le montage. Oh! Parce que ce n'est pas ça qu'il a dit. Il n'a jamais dit ça. C'est hors contexte, dans une phrase ou... Dans un texte. Donc, la publicité... Je vais l'expliquer. La publicité a immédiatement suscité plein de critiques. D'abord parce que l'effeuillage en question a été effectué à la blague en novembre 2011 pour amasser des fonds pour la Fondation canadienne du foie. Hey, tout ce que tu fais peut être retenu contre toi, voilà. On dit en justice, voilà. Là, ça ressemble à ça. Hein? Tout à fait. Donc, regardez tout ce que vous faites. C'est pour ça que les politiciens sont plates. Oui. Ils ne parlent pas, ils ne prennent pas de bébé dans leurs mains avec un sourire machiavélique. Ça pourrait leur nuire. Comme Vladimir Poutine ne regarde pas les seins d'une féministe avec la face d'un gars qui n'a jamais vu ça de sa vie. Donc, la photo fait le tour du monde aujourd'hui. Donc, dès qu'arrive quelque chose, poker face, rien. Justin Trudeau, lui, bel âtre qu'il est. Donc, il a fait, il s'est prêté à un jeu de faire un simulacre de striptease pour amasser des fonds pour la Fondation canadienne du foie. La moustache, elle, est celle d'un chef libéral qui se fait pousser de la moustache pour le Movember. Donc, encore là, pour une cause juste et noble, pour amasser de l'argent contre pour le dépistage du cancer. Cancer dont son père est décédé. Donc, c'est certain que lui se sent... Interpellé. Interpellé, merci. Loin du micro, merci. Donc, tout à fait. Donc, ça se défend très bien dans le public. Pourquoi il faisait ça? Donc, pour la Fondation canadienne du foie, elle a été très prompte à réagir. La Fondation croit que M. Trudeau devrait être applaudi plutôt que conspué pour son engagement envers un important enjeu de santé qui affecte 3,4 millions de Canadiens. N'oublions pas, nous sommes 8 millions. Et ça touche quasiment une personne sur 10. Il y en a 3 là, qui l'ont. Mais ça, c'était dangereux de la part du Parti conservateur parce qu'ils savaient d'où ça provenait, ces images-là. Ils allaient s'en rendre compte. Hein? Que les gens allaient sûrement pas se laisser faire quand c'est des bonnes causes de même. C'est ça. Tout à fait. T'as entièrement raison parce que ça s'est reviré de bord. Ouais. Tout le monde pense, le Parti conservateur, les stratèges, les génies, là, comme ça, des communications du Parti conservateur se sont dit, ça a marché avec Michael Ignatieff. Ils l'ont dit, ils ont toujours fait des pubs contre lui comme quoi il n'était pas un vrai Canadien, mais un descendant d'un tsar russe qui a vécu toute sa vie aux États-Unis, donc un intellectuel. Ils l'ont démoli sur Internet. Et précédemment, Stéphane Dion, notre cher Stéphane Dion, avec la fiente de mouette sur son épaule, on se rappelle en 2008, il y avait cet Internet, tu voyais Stéphane Dion l'air en plein questionnement, mais plus innocent qu'en questionnement. Et t'avais une mouette qui se délestait sur son épaule. Ben, tu pouvais cliquer sur la fiente. Il y avait beau, d'autres choses qui... Bon. Mais ça, au début, c'était nouveau dans le paysage canadien. C'était le Tea Party puis le Parti républicain. C'est ça, très américain, oui. Exactement. Qui faisait ça depuis des années et le Parti conservateur l'a importé ici. Mais nous autres, au Canada... On est vraiment une société distincte des États-Unis. Dans ce sens, on est 5 ans, 6 ans en retard. Exactement. Sauf qu'on réagit beaucoup plus vite et on se tanne beaucoup plus vite des innocenteries de ce genre-là. Parce que déjà, aujourd'hui, la Fondation canadienne du foie a émis un nouveau communiqué hier. Et on dit « Grâce au Parti conservateur, la vidéo a tellement été vue et conspuée par la population que... » Ils reçoivent des dons. Ils reçoivent des dons. Ils ont fait en 3 jours ce qu'ils font habituellement en 1 mois. Bravo. Donc, Fondation dit « Merci conservateur, grâce à vous, votre message qui démolit en fait notre cause nous rend service. » Tu vois, eux, c'est des... Ils ont, je dirais pas opportunistes parce que ça a l'air négatif, mais non. C'est une bonne opportunité à saisir pour faire avancer une bonne cause. J'adore ça. Tout après ça, les conservateurs vont prendre le mérite de ça. Oui. Alors, oui, c'était voulu... Non, ils se sont pas excusés, mais disons qu'ils sont low profile depuis en disant... On a échoué dans notre... Tout à fait. Justin Trudeau s'est dit, ceux qui veulent dénoncer ça, donnez-moi de l'argent, moi je vais la remettre en votre nom à la fondation les œuvres caritatives de ce genre-là. Donc il y a un ramassis d'argent qui se fait, messieurs, depuis dimanche dernier là. C'est fou. J'ai pas les chiffres devant moi, puis c'est sorti hier soir en statistique. Mais plusieurs Canadiens veulent se venger du Parti conservateur en donnant des dons à des œuvres qui ramassent de l'argent qui sont délaissées par les subventions fédérales. Donc c'est juste le retour de l'ascenseur, mais dans la face, hein? Dans ta face. Super. Donc Justin Trudeau, lui, estime que conservateur, ça va se retourner contre lui. Il a entièrement raison. L'idée qu'ils sont en train d'attaquer, dit-il, quelqu'un est en fait un geste pour aller chercher des fonds pour la charité, une œuvre, démontre le manque de jugement du Parti conservateur. Puis le Parti conservateur, lui, réplique, on voit pas en quoi ça, on est méchant. Là. C'est carrément ça qu'il dit. On voit pas. On veut juste démontrer que Justin Trudeau, il a pas la compétence. Pour. Mm-hmm. Bon. C'est comme s'il prenait. C'est pas aux États-Unis, justement, là, que avec le président, ils ont une soirée où ils font de l'humour. Avec la presse, oui. Oui, c'est ça. Ben, c'est comme si quelqu'un prenait genre ces vidéos-là en faisant comme regarder. Ben, on se rappelle, si t'as le temps, va chercher dans Google ou YouTube Michael Jean sous le mort. C'est à chaque année. Et ça, j'ai déjà questionné celui qui est présentement ministre de l'Éducation au Québec, là, Pierre Duchesne. J'ai déjà questionné sur Twitter, entre autres. Il m'avait ramassé, pas à peu près. J'ai dit, pourquoi vous faites ça? Pourquoi les politiciens et la presse font une soirée ensemble où les politiciens se ridiculisent pour faire la galerie, dans le fond? Parce que c'est un party de les journalistes du Québec. Mm-hmm. Ben, aux États-Unis, ça se fait aussi. Au Canada, ça se fait aussi. Jack Layton avait pris sa guitare, avait joué. Stephen Lauper, il avait été pour jouer Imagine sur le piano. Donc, je demandais pourquoi vous avez pas peur qu'il y ait une collusion. Lui, il m'a défendu non, on a une éthique professionnelle, blablabla, mais on s'entend que l'éthique est assez élastique. Hein? Quand tu décides de démolir quelqu'un, tu le démolis ou quand tu veux coucher dans le même lit. La citation que Mathieu disait, à savoir que les Québécois sont meilleurs que le reste du Canada, Tu me disais, est-ce que c'est pris hors contexte? Tout à fait. Donc, c'est une entrevue qui a été accordée dans un documentaire par rapport à son père. Donc, ça parlait des séparatistes québécois. Justin Trudeau explique alors, et je cite, sa philosophie donc à Pierre-Yves Trudeau, qu'il a voulu nous transmettre est que les Québécois sont meilleurs que le reste du Canada parce que nous sommes davantage bilingues, biculturels et à l'affût du reste du monde. Il y a une richesse. Alors pourquoi aurions-nous besoin de nous séparer? Donc ça disait le contraire, exact de ce qu'on dit. Oui. Mais c'est surtout dans les archives assez loin. N'importe quelle phrase va avoir des mots mis ensemble que tu peux utiliser. C'est tellement facile. Et aujourd'hui, avec le montage vidéo, sonore, audio, n'importe quoi, on peut faire tout. On prend des mots, puis on peut juste prendre la sonorité du son, puis fabriquer une phrase avec. Regarde les instants classiques d'assemblage Ricky, je coupe des bouts là-dedans, ça paraît pas pour toi. Ben c'est super plus bon. En plus, c'est très fluide. On a l'air plus intelligent qu'on l'est. Vraiment? Donc, merci Mathieu. signe que les attaques étaient déjà prévues d'avance, les noms de domaine Justin Over His Head et Justin Pas à la hauteur, .com, .ca ou .net, peu importe, ont été achetés par le Parti conservateur le 22 mars, donc avant les élections, et le 1er avril respectivement. Donc, ils ont dit, on va investir de l'argent, on est tellement sûr qu'ils gagnent. Mais bon, le Parti conservateur refuse de dire si les publicités seront parfois toutes disponibles sur les chaînes commerciales. Mais on s'entend qu'ils vont sûrement les retirer même de YouTube parce que ça se revient contre eux. Martin Cochon, on a de la peine pour lui, fini sous podium, mais à l'inverse. L'ex-ministre de Justice n'avait que très peu d'appui en dehors de sa province d'origine. Il a récolté au Québec 621 votes. De ses 816 points. Donc, en dehors du Canada, n'a pas d'existence. En dehors du Québec, par contre. En moyenne, il n'a donc reçu que 0,8% des appuis dans chacune des 233 circonscriptions restantes. C'est vraiment... tu me troubles avec ta face, le Trudeau. Déconcentrant. Il est tellement bouclé. Regarde, le regard... Oui, on dirait qu'il te regarde pour de vrai. Oui, j'aime pas ça. Puis il vire l'écran puis les yeux suivent. Donc, le vote de la course était pondéré par circonscription. Chacune des circonscriptions valant 100 points. Pour un total de 30 800 points. Cochon a obtenu un score national de 2,7%. Justin Trudeau est arrivé premier dans toutes les circonscriptions québécoises, mais Cochon est souvent arrivé second, quoique très très loin derrière. Même dans Outremont, dans son fief, dans sa circonscription, il a fini deuxième. Ça va mal. La pondération du vote a obligé les candidats à être stratégiques pour maximiser la valeur de leur appui. Par exemple, au Nunavut, où seulement 41 personnes ont voté, les 37 votes obtenus ont été à Justin Trudeau. mais la circonscription a donc valu 90 points. Alors que 1033 votes dans Ottawa Centre, où 1600 personnes ont voté, ont rapporté que 65 points. Mmh. Donc, c'est mieux d'aller dans les petites agglomérations où tu as 10 membres du parti qui votent, ou sympathisants qui votent. Si les 10 votent pour toi, tu as 100 points de la circonscription. Tandis que si tu vas dans l'autre monde, à Ottawa Centre comme ici, tu en as 1600 à convaincre. C'est pas mal plus de job. Mmh. Fait que c'est pour ça qu'il n'est pas venu dans les grosses circonscriptions. Il est allé à Montréal un peu pour les publicités, pour les journalistes. Mais ben, il est venu à Shawinigan, il est venu à Trois-Rivières. Il n'y a pas beaucoup de sympathies. C'est probablement plus facile à convaincre 200 ouais. que 3000. Et c'est ce qu'il fait. Voilà, c'est pour ça. Voilà, ouais. C'est pour ça que. Voilà. Il gagne. Voilà Champagne. Ouais, elle, c'est l'autre bord de la rivière. Mais elle aussi est très forte chez elle. Donc, la répartition des votes a fait en sorte que ça a été peut-être plus négatif pour les personnes qui ont un bassin très fort dans leur circonscription, comme Martin Finlay dans l'Ouest ou Martin Cochon ici. Mais Justin Trudeau, lui, avait juste à s'assurer que dans les petites circonscriptions, on vote pour lui. Puis il y avait le 80% des points. Donc, Justin Trudeau, prochain premier ministre. À suivre. Dans 2 ans. Laissons-nous un lousse, là. Qu'il fasse ses preuves. Pour l'instant, il y a une Trudeau-manie autour de lui, comme son père, dans le temps. À différence que les filles se déchirent pas leur linge et arrachent pas leur brassard. Comme Pierre-Éliott Trudeau, père. Et ça, c'est un fait. Ah oui, hein? C'était comme l'équivalent des Beatles. Ouais. Au Canada, c'était lui. Allez voir les archives sur YouTube, c'est fou. Le monde court après. Il y avait le décapotable, les cheveux au vent, le petit foulard de bourgeois dans le cou. Hey, le vénétariat pour les politiciens, c'est fini, ça? Ouais. Non, mais disons que ça a commencé et fini avec lui. Parce ça, qu'aujourd'hui, c'est... il s'est arraché le poil pour Pauline Marois. Pas sûr. Non, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Puis... Ben oui, c'est une autre forme, proche, de... Oui, c'est une autre forme de militant rebelle qu'on aime détester ou qu'on déteste aimer. Voilà. Tout à fait. T'as entièrement raison. Ah, c'est beau à voir, tout ça. Oui, monsieur. Beau cheveux. Très beau cheveux. Tu me remontes, là? Oui, attends un petit peu. Là, il l'a enlevé. Il l'a enlevé. Non, ben, j'ai juste changé de face. Ouais. De face. J'ai changé de face. Un idole, hein, Jasmine? Mon préf. Ton préf. Mon préf. Donc, merci beaucoup, François Landry. Ça fait plaisir. À jeudi prochain, 8h30. Ouais. Pour notre collègue Logocratie 101, on parle de politique comme ça jeudi. C'est bien le fun de finir la semaine là-dessus. On écoute Hunter Valentine de Passe et on vient pour se dire au revoir dans quelques secondes. Mm-hmm. OK. From the future, we were bitter, old and gray. Yeah, I was making you dinner. You couldn't think of a word to say. I tried to picture a lifetime of not waking up next to you. I couldn't shake out this feeling. Deception grew and grew. Cause it's the past that feeds the lonely. It's the beat that doesn't stray. Yeah, it's the past that feeds the lonely. And the loneliness you say. Never. Je me souviens même plus c'est quoi. The Pulse d'Andrew Valentine. C'est là-dessus que se termine l'assemblage requis. Merci à Jasmine Raymond-Dreville. De rien. Merci à François Landry. De rien. Maxime Bilodeau aussi. De rien. Pour avoir participé à l'émission d'aujourd'hui, bien sûr. Lundi, à l'émission, Simon Fitzbeat, sa chronique Fitzbeat, chronique musicale. Et le temps d'une culture avec Alexandra Carignan en art et spectacle. Restez à l'écoute à partir de 9h. Ce sera La Belle et les Bêtes. L'émission de sujets variés, élevés insolites, sport et actualité. À 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, je serai de retour avec Stéphanie Paradis pour animer Les Palmarès, c'est fou. Ça, c'est un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Après ça, à 19h, c'est 13e étage. Électro-tactile à 21h et MTLU à 22h. Donc, on passe la soirée en électro. Ah, c'est fou. Merveilleux, ça. Si vous voulez finir ça rock, allez à la chasse. Oui, ce soir. Juste après l'événement de l'AGE pour les... L'attribution des locaux. Merci, c'est l'attribution qui manquait. Et ce sera donc les soirées cachées, c'est fou, avec en vedette Rouge Pompier. C'est eux qui vont nous faire terminer cette semaine avec leur pièce Anne Dorval. Le temps de vous dire, par contre, d'aller voir cfou.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balades aux diffusions. Donc voilà, Rouge Pompier, Anne Dorval, bonne fin de semaine, Jean-Philippe. Hey, bonne fin de semaine, Mathieu. À lundi. À lundi. Bye, salut. Bye. Bye. C'est à cause d'Anne Dorval que j'ai que le cœur à ses raisons. C'est à cause d'Anne Dorval.